mais moi je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. À tous, bienvenue sur Démocratie Participative, épisode numéro 20 de notre première saison. Alors, comme vous le savez, je vous invite à nous contacter si vous le souhaitez sur notre boîte email. Je vous la donne tout de suite, démocratie participative d'un seul tenant, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, quand vous visionnez cette émission, cliquez juste sur s'abonner, hein, c'est juste en bas de la vidéo. Comme ça, vous recevrez les alertes pour les prochaines émissions. Idem pour la page Facebook. Likez notre page Facebook, ça s'appelle Démocratie Participative, et ça vous offre la possibilité de partager, tant pour moi, l'émission avec vos amis. Je m'en vais présenter immédiatement nos participants de la journée. Tout de suite, Derek. Salut, Derek. Comment vas-tu? Salut, Gandalf. Ça va très bien. Ça va très bien. Bonne semaine. Ça s'est bien passé? Ouais. Écoute, nous, il y a les ponts, hein, souvent, donc on profite pour se reposer un petit peu. Bien. Poporovitch. Salut, Poro. Shalom aleikum à tout le monde. Et puis, spéciale dédicace à Guillaume Feil et Pascal Biloute qui n'ont pas pu venir. Ok, d'accord. Astérix, comment vas-tu? Eh ben moi je vais très bien, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien. Je vis au rythme des élections américaines, là, je vibre. J'espère que nous aussi. Ça va d'ailleurs le sujet principal de notre émission en deuxième partie. Je le dis tout de suite, hein, pour ceux qui nous écoutent. Frédéric, dans l'évier, comment vas-tu Frédéric? Écoute, moi, tout va bien. Je fais ma base autonome durable en Hongrie. Je stocke mes calories et je travaille mes biceps. Donc, tout va bien. Tu lèves de la fonte? Toujours. Avec mes amis africains et maghrébins, bien sûr. Hein. C'est important. Il n'y en a pas beaucoup, ceci étant dit, en Hongrie. Hein. Alors, Hopman, comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très bien, bonjour à tous, en avant pour une autre émission. Oui. Ouais, en avant. Et Tiger, qui est notre special guest star, bon avec Fred aussi, hein, mais salut Tiger. Salut, ça va super bien, c'est une semaine pleine d'événements intéressants. Alors, ça s'entend, il est du Québec le camarade, donc c'est Amérique du Nord, avec l'actualité ça colle. Et Tiger connaît très très bien ce qui se passe aux États-Unis, donc il aura beaucoup de choses à nous dire, j'en suis convaincu. Bon, sur ces entrefaites, commençons avec notre rubrique phare de début d'émission, qui est autisme radical, premier sujet. Hein. Ça a marché sur les réseaux sociaux, moi je l'ai vu sur les réseaux sociaux, ça n'a pas échappé à la sagacité de certains participants. Sujet numéro 1, donc, Paris, un journaliste agressé en marge d'une manifestation pro-migrants à Stalingrad. Alors, je lis donc l'extrait de l'article, c'est sur Russia Today. Hein. Après la dispersion du rassemblement, donc, vous savez, il y avait des migrants qui s'accumulaient à côté du métro Stalingrad à Paris, c'était particulièrement moche, et donc, il y a eu une évacuation décidée par le gouvernement, donc, c'est à ça que fait cet article. Donc après la dispersion du rassemblement dans le calme sur la préfecture de police de Paris, le journaliste français Rémi Buisine, qui avait couvert la mobilisation, a été molesté et s'est fait dérober son matériel. Sur son compte Twitter, il a en effet publié un message dans lequel il explique avoir été victime d'une agression par 3 migrants à l'instant, dans la soirée du 2 novembre, donc, à Stalingrad. Entre autres connu pour ses vidéos sur l'application Periscope, le reporter ajoute avoir reçu de nombreux coups sur le visage et s'être fait voler son téléphone. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est un journaliste qui est pro-migrant. Il aime ça. Lui, c'est son truc, quoi. Quelqu'un veut revenir sur cette agression de notre journaliste humanitaire par ses petits protégés? Je dirais bien fait. Oula. Pour ta gueule. D'accord. Voilà qui est direct. Ouais, Hoffman. sinon, en fait, si vous vous souvenez des événements de Nice, le journaliste, c'est Rémi Bucine. Buissine, qu'on peut trouver donc sur Twitter. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est le mec qui avait filmé en direct et qui avait posté sur Twitter en mode ouais, le racisme, c'est mal, après Nice, faut tous se rassembler. Quand tu avais une réaction en fait très saine de la part de Français de souche, enfin de Français de souche européenne en fait dans les 60 ans, qui s'en prenait verbalement, simplement verbalement, à une maghrébine qui partait dans les tours en mode vous êtes des racistes, je suis autant française que vous, hein, je suis née ici, je suis française. Donc c'est ce type-là. Donc quelque part, ben, comme dit Attends, Poporo, c'était dans quelle ville t'as dit ça? ouais, à Nice, c'est ça. c'était à Nice. Ah, c'était lui! C'était C'était lui. lui! Ah! Ah, la Eh crapule! J'aimerais pouvoir C'était dire, lui! ah, il va apprendre de cette expérience et blablabla. Mais honnêtement, Non. c'est très peu probable qu'il apprenne quoi que ce soit. Ce genre de gens-là, on prend plutôt un plaisir perverse à devenir une espèce de martyr pour le non-racisme et tout ça. Bah, Donc, il a certainement la pensé dureté de... que... Il a Oula, oula, pas certainement tous en même pensé qu'il est en temps. train d'expier des péchés du colonialisme, etc., et que donc quelque part il l'a bien mérité, quoi. Bah, Bah, il ça va dépend dire, de la dureté quand même voilà. du. Vas-y, Moi, Yassine. je pense que. Excuse-moi, Gandalf, mais je pense que ça dépend de la dureté de l'agression. C'est-à-dire que bon, souvent, ces petits gauchias, là, ils en rajoutent des tonnes parce que ce sont souvent des fillettes occidentales. Donc, il se prend une gifle. Bon, c'est une agression, hein, une gifle. Hein, c'est grave, mais bon, il n'y a pas de quoi être traumatisé. Mais si vraiment il s'est pris un camion dans la gueule, enfin, pas d'allusion malvenue à Sans l'événement mauvais jeu de de Nice, mots. hein, mais si vraiment il s'est pris trois négros. Haineux et drogué et qu'il a vraiment eu peur pour sa vie, c'est possible qu'il change d'avis. Parce que face à la mort, quand même, l'idéologie pèse pas lourd. Hein. Quand on a Peut-être, mais notre c'est vie dans la plus qu'une balance idéologie, face à c'est comme l'idéologie, une religion qu'on pourrait appeler la cocutienté. Mais c'est ça qui attend un petit peu les gens, tous les gens qui croient se faire des amis chez les métèques, chez les nègres, etc. C'est un petit peu leur destin commun. Donc, quelque part, Alors en fait, il est arrivé à la destination. Hein, ça va. bon, c'était pas des nègres, hein. C'était des Afghans, c'est un peu la même chiasse, quoi. Mais le copain là, il a pas l'air plus choqué que ça, quoi. Tu vois, il a mis un petit mot sur Twitter et puis en avant Guingamp, il recommence, quoi. Non mais il a eu C'est de que la ça devait être une chance parce petite que agression de merde. avec il a eu de la chance parce qu'avec les Afghans il aurait pu se faire violer aussi hein, parce qu'on sait qu'ils sont assez portés de ce côté-là nos amis là-bas. Oh, mais il aurait probablement aimé ça, donc. Alors, mais c'est intéressant parce que, comment dirais-je, la passion des journalistes pour les migrants les clandestins n'est plus à démontrer. Mais c'est pas la première fois qu'un journaliste se fait agresser, puisque même, je crois que c'est la semaine dernière, il y a une traductrice qui accompagnait une journaliste de France 3 à Calais dans la jungle qui s'est faite violer, je crois, par trois Afghans qui d'ailleurs ont été relâchés pas plus tard qu'hier. Hein, si, Bah, donc, si ça peut susciter des vocations de journalisme. mais je sais pas parce que ces gens sont tellement masochistes que je veux dire les mecs, c'est un peu le syndrome de Stockholm. Les types, ils vont dire, bah c'est pour la bonne cause. J'ai même vu sur les réseaux sociaux. Une militante no border, donc sans frontiériste, pro-immigration totale, qui reprochait, alors je ne sais pas si c'est à cette personne, à ce cafard-là, ou si c'est à quelqu'un d'autre, mais quelqu'un avait rapporté une agression. Voilà, j'ai été agressé par X. Et une militante gauchiste lui dit, tu dois pas parler de ça en public parce que ça fait le jeu des fachos anti-immigrants. Donc, il y a vraiment l'idée d'être un croisé de la cause et de souffrir, je veux dire, Pour bah... permettre l'avènement de la grande civilisation des enculeurs de chèvres, effectivement. De toute façon, il y a deux types de gauchistes. Il y a les gauchistes, on va dire, mentaux, c'est-à-dire que ce sont des gens en fait qui sont encore des êtres humains, qui ont encore envie de vivre, mais qui adhèrent au gauchisme mentalement en croyant que ça pourrait libérer le monde, ça pourrait libérer l'homme des chaînes capitalistes, blablabla, blablabla. Bon, ça existe. Puis il y a les gauchias, c'est-à-dire les gauchistes où ça part, c'est leur être qui a envie de mourir. Là, ça part d'une pulsion de mort. Et ceux-là, ils iront jusqu'au bout. Ceux-là, ils iront jusqu'à se faire sodomiser par 10 Afghans. Ils iront jusqu'au bout du bout du bout du bout du tunnel Parce que c'est leur voie, quoi. Ils sont suicidaires et c'est leur façon à eux de mourir. Ils n'ont pas les couilles d'appuyer sur la gâchette. C'est un peu christique, j'ai envie de dire, le sacrifice. Hein. Alors pour certains, c'est sur la croix. Pour d'autres, c'est sodomisé par quelques migrants. Bon, oui, pas de rapprochement douteux, s'il te plaît. Pas de guerre de religion. Je remarque des similarités. Non, c'est très différent. Je ne veux pas entamer une discussion religieuse ici. Un altruisme radical. Ah oui, mais attention, on a déjà expliqué ça. La charité bien ordonnée commence par soi. On a déjà expliqué ça. En tout cas, Monsieur Buissine a été mis à l'amende par ses petits protégés, mais comme on l'a dit, il y a peu de chance que ça le vaccine. Hein. Il y a peu de chance. Bon, sujet numéro 2 de cette rubrique autisme radical. Alors ça, c'est marrant, c'est cocasse. Hein. McDo laisse les internautes créer leur propre burger. Et tout part en couille. Alors là, je vous explique le truc. Le concept était pas mal. Hein. J'ai bien aimé, moi. Alors, je vous lis l'extrait. C'était sur Vice News, qui porte bien son nom, d'ailleurs. Alors, c'était le principe de Create Your Taste, donc créer votre goût, quoi. Campagne lancée en Nouvelle-Zélande par McDonald's qui permettait aux clients de la franchise de créer leur burger et de repartir avec une portion de frites et une boisson gratuite, ce qui apparaissait donc comme une bonne affaire, effectivement. Alors pour ce faire, il y avait deux solutions, soit se déplacer jusqu'à une borne dédiée dans une des antennes McDonald's locales, ou se rendre au makeburgerhistory.co.nz, donc un site internet qui a depuis disparu, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, très rapidement, hein, des esprits très bien intentionnés se sont saisis de cette opportunité pour créer effectivement leur propre burger. Alors, je vous ai envoyé, chers tous, hein, les images des burgers possibles, hein, c'est-à-dire que vous le composez comme vous voulez, hein, vous mettez ce que vous voulez dessus, autant de burgers, d'oignons, on s'en fout, hein, vous faites ce que vous voulez, et vous pouvez même choisir le nom. Alors, je vous cite quand même les noms qui ont été créés pour l'occasion, par les mecs, hein, par les petits consommateurs un petit peu malicieux. Alors, il y en a un, il s'appelle « The End of Islam », donc « La fin de l'islam ». Il y en a un autre qui s'appelle Mosquée at Ground Zero, donc la mosquée à Ground Zero, donc par rapport. C'est ceux où tu rajoutes du bacon à outrance, c'est ça? Non, il y en a un qui était bien, c'est Bernie Socialist Feast, donc le festin socialiste de Bernie. Alors là, c'est simple, c'est qu'en fait, il n'y a que le pain. Il n'y a rien dedans, en fait. C'est pas mal, ouais, effectivement. Ouais, j'ai bien aimé celui-là. Il y en a un autre qui s'appelle Oi Goy. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. Il y avait un autre, un truc imposant, gigantesque, s'appelait The Ariane, donc l'Arien. Hein, voilà. Et le petit dernier, Allah was a Jew, Allah était un juif, en fait. Bon. Alors, autant vous dire que ça, c'est complètement parti en couille. Et c'est ceux-là qui ont gagné les concours donc, de création de burgers, c'est ça? Genre, ils ont voté avec des. Non, il n'y avait pas de concours. C'est qu'en fait, tu pouvais commander. À McDonald's, ton burger. Tu dis, voilà, je veux ça dans mon burger et je veux l'appeler comme ça. Et donc, tu pouvais créer carrément l'image et tout. Et quand ils ont vu les mecs rentrer des trucs qu'ils voulaient, bah, ils ont découvert bah, tout ça, c'est-à-dire des trucs qui appelaient à la destruction des musulmans, tout ça. Et du coup, en fait, ils ont arrêté la campagne. En fait. Ils ont tout débranché, en fait. Et alors, du coup, la presse, elle chiale parce que alors, les trolls, voilà, ça va plus, quoi. Ça va plus. Il y a le PETA Burger. PETA, c'est l'association... pour le droit des animaux et compagnie. Alors, il avait sûrement vegan, tu vois, sur les bords, donc genre pas de gluten et compagnie. Et ouais, c'est ce genre de conneries, quoi. Donc le burger, c'est de la salade avec une tranche d'oignon au milieu. C'est beau. Non, mais ça m'a fait marrer, quoi. C'est sympa, ça, de hijacker, quoi, de pirater un truc comme ça pour y mettre du contenu. Non, mais c'est très vite, c'est à chaque fois ces trucs-là, c'est très vite fermé. Hein. Ils se rendent très vite compte que quand on laisse parler les gens, en fait, c'est une mauvaise. Bah oui, dès qu'il y a un petit peu de démocratie participative. Ah ouais, tout de suite, ça va pas. Hein. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il y a une campagne comme ça qui foire. C'était quoi la dernière fois aux États-Unis, Frédéric, tu dois savoir, toi, c'était pas avec Mountain Dew, quelque chose comme ça, où ils devaient. Ils avaient créé un concours pour remettre des images. Sur les bouteilles de Mountain Dew, qui est un soda très populaire aux États-Unis, et il y avait un des logos et des slogans qu'avait gagné, qui était Hitler did nothing wrong, donc Hitler n'a rien fait de mal, avec le logo Mountain Dew, etc., sur la bouteille, et les mecs avaient juste fait caca dans leur culotte. Ah, je connaissais pas du tout cette histoire. Ah non, mais il y a plein d'histoires comme ça où ils ont Ils ont créé voilà, des opportunités pour les consommateurs de participer, et à chaque fois, ça finit en Hitler did nothing wrong, quoi. Parce qu'effectivement, il y a une sorte de volonté populaire qui cherche à s'exprimer, mais elle ne trouve pas de débouchés, quoi. Donc, on a les débouchés qu'on peut, n'est-ce pas? Alors, des burgers, des bouteilles de Mountain Dew, voilà. Hein. Tous les chemins mènent à Hitler did nothing wrong, quoi. Exactement. Mais c'est intéressant parce que là, en fait, on peut élargir un peu le sujet là sur le justement la démocratie participative. Si vous avez suivi, là, en Allemagne, là, Merkel est en train de devenir complètement folle et elle a désigné maintenant nommément, je veux dire, les réseaux sociaux comme l'ennemi numéro un. C'est-à-dire, ça y est, c'est déclaré. Ils ont, comme elle a expliqué que Facebook, Google, Twitter, etc. devraient livrer leur algorithme au gouvernement allemand pour comprendre comment parce que vous savez, quand vous allez sur YouTube, on vous suggère des vidéos, etc., en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous, comme sur Amazon aussi, on vous suggère des livres ou des trucs comme ça. Et en fait, Merkel a décidé, enfin avec ses conseillers, que ça encourageait, comme elle appelle ça, une vue une vision déformée des migrants. C'est-à-dire que l'ennemi numéro un... Vas-y, Zagger, vas-y. Non, je disais juste que ça vient juste à peu près un mois après que le scandale soit sorti, que presque tous les médias sociaux ont des algorithmes biaisés en faveur des migrants. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui ont fait des tests qui ont montré statistiquement que tout ce qu'il y avait, tous les mots-clés, les hashtags... qui était, disons, qui faisait pas l'affaire des pouvoirs en place, était pas représenté du tout dans les nouvelles de Facebook, les choses comme ça. Il y a eu aussi des fuites à la WikiLeaks qui sont sorties, qui ont montré des discussions internes, qui ont montré qu'effectivement, ils faisaient ça intentionnellement pour maintenir la rectitude politique. Donc, c'est complètement fou que les médias sociaux soient complètement biaisés, même au niveau des algorithmes, en faveur des migrants et tout ça, et que malgré ça, Merkel, c'est pas suffisant pour elle. C'est-à-dire que maintenant... l'ennemi numéro un, maintenant, c'est la liberté d'expression. Hein. Et même quand il y en a déjà pas, c'est-à-dire que même quand, effectivement, comme dit Zeiger, les algorithmes sont déjà biaisés en faveur des pouvoirs publics, de l'idéologie dominante, même quand les algorithmes sont déjà biaisés, il faut resserrer encore plus la vis. Au point que même quand on trouve des petits interstices, etc., quand les internautes trouvent des petites façons de s'exprimer, de faire passer un peu des messages, voilà, à contre-courant, voilà, l'ennemi numéro un, c'est la liberté d'expression. Et le truc, c'est qu'en Europe, contrairement par exemple aux États-Unis, c'est pas quelque chose au final que les gens sont très, auquel les gens sont très attachés. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, on a beaucoup parlé pendant la période un peu Soral-Dieudonné là, de liberté d'expression. Mais en réalité, les gens en Europe acceptent plutôt facilement qu'on les empêche de parler, culturellement, hein, je dis bien, par rapport aux États-Unis, ouais. Parce que ça n'a pas d'historique, il n'y a pas de protection légale réellement de la liberté d'expression en France. Il y a toujours eu beaucoup... Ah non, mais c'est même l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une constitutionnalisation et une légalisation de l'interdiction de s'exprimer librement en France. Oui, et donc je sais pas vraiment, enfin c'est vrai que bon, ce que fait Merkel là, ça se voit que c'est la panique, mais c'est vrai qu'en Europe, ça, c'est une des choses qui, je sais pas si les gens vont vraiment réagir par rapport à ça, enfin je... Bah, c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire dans la censure, tu vois, c'est le problème, c'est que tu te condamnes à l'escalade en fait, donc... ça dépend jusqu'où ils sont prêts à aller, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire, voilà, nous on va tout interdire, mais après... Faut voir les moyens concrets qu'ils mettent. C'est-à-dire parce que là, je sais, le problème, je sais pas si tu vois, interdire de plus, parce que on en est déjà avec les trolls de 4chan et compagnie. Ils en sont déjà à remplacer nègre par Google et juif par ou kike par Skype. Donc, oui, bien sûr. Si tu veux, à un moment, effectivement, on se demande jusqu'où l'algorithme de censure peut aller sans qu'on en arrive au point où en fait il n'y a plus aucun mot. Bah, écoute, c'est simple, ce qui est en train de se profiler à l'horizon, et d'ailleurs Christophe Barbier, si vous connaissez ce journaliste là, qui passe à la télé française avec sa cravate rouge, il avait son écharpe rouge, autant pour moi, il avait dit les Chinois y arrivent, pourquoi pas nous, c'est-à-dire que lui il avait dit comment dire, en plus c'était vraiment sur une chaîne de télévision et tout. Et ça veut dire que ça, ce que lui il a dit, en fait, c'est des trucs qu'il discute quand il se fréquente, vous savez, dans les cercles mondains, je veux dire à table, parce que tous ces mecs-là, les journalistes, les politiciens, non, mais ils se rencontrent et ça veut dire que ce type-là, il en a déjà parlé, les autres en parlent, il dit putain, comment on peut faire? Les mecs disent, bah regardez, en Chine, ils se démerdent pas mal, faudrait trouver un truc peut-être un peu moins voyant, voilà. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tout simplement interdire, enfin fermer la possibilité aux internautes de. C'est ce qui se passe aux États-Unis progressivement, c'est-à-dire que les sites qui avaient une certaine audience et où le public ou des trolls, etc., venaient apporter un petit peu foutre du sable dans la machine. Alors au début, il y a eu de la modération, puis de la modération de plus en plus sévère. Et en fait, quand la modération s'est vue comme complètement dépassée en fait par le phénomène de ras-le-bol populaire, tout simplement, et ben ils ferment les commentaires. C'est-à-dire que t'as des sites de journaux, alors plus ou moins mainstream, etc., qui de plus en plus, et ça se voit sur YouTube aussi, voilà, ça se voit sur des journaux, ça se voit sur des sites un peu populaires. Il y a plus de commentaires, c'est fermé. C'est-à-dire qu'on nous avait passé. Enfin, c'est quand même amusant d'être passé en, je sais pas, en l'espace de peut-être une décennie, hein, ce qu'on appelait à l'époque le web 2.0, où tout le monde va pouvoir participer, créer son contenu, commenter, etc. Genre tout le monde va pouvoir jouer à tout ça. On est passé de ça à en fait, ben oui, mais toutes les sections commentaires maintenant elles vont être fermées parce que sinon il y a des gens qui vont dire nègre et juif et voilà quoi. Donc, il faut fermer tout ça. Et ils se tirent vraiment dans le pied en faisant ça parce que en enlevant les sections de commentaires, les gens perdent beaucoup d'intérêt. En fait, l'interactivité c'est une grosse partie de l'attrait de ces sites-là. Et en fermant toute cette interactivité-là, en fait, ils redirigent le trafic vers les zones plus dynamiques. Exactement. Entre autres, ouais, entre autres. Les gens vont aller à l'endroit où ils sentent qu'ils peuvent avoir une voix et que c'est l'actualité, la vraie actualité, quoi. Soulignons au passage qu'en France, la modération est assurée par des entreprises marocaines. Hein. Voilà, hein, précisons-le quand même. Ouais, on en a parlé la semaine dernière, c'est énorme. Autant dire que ça devrait être très pointu sur l'islamophobie. Ouais, c'est clair. Je suis obligé de passer au sujet numéro 3, qui est les migrants clandestins de Calais. Val s'exprime à leur sujet. Et donc, il s'est lâché, Val. Là, il a dit le programme, il a dit les migrants, donc les clandestins de Calais seront demain français et même députés. Je le lis, hein. Le campement, donc, de Calais, c'était une image de la France que je ne veux pas voir. Des hommes, des femmes et des enfants vivant dans des conditions indignes. Les accueillir, leur donner le droit d'asile, et demain, ils seront français, a-t-il dit en clôturant une cérémonie de remise de prix de la laïcité à la mairie de Paris. Et là, je le cite encore. Demain, ils parleront français. Demain, ils porteront nos valeurs. Demain, certains seront députés, membres du gouvernement, a-t-il dit en défendant le droit d'asile, le droit de protection. Je vous invite à commenter. Demain, ils parleront français, et après demain, ils nous vont parler arabe. Voilà. Alors, le plus triste dans tout ce bordel, c'est que les députés socialistes sont tellement mongols que même des migrants avec 80 de QI feraient à peine pire, quoi. Bon, ils feraient un peu pire quand même, mais à peine. Bah attends, en même temps, je veux dire, il y a une jurisprudence, c'est-à-dire que des Marocaines qui finissent au gouvernement, il y en a quelques-unes quand même. Ouais, mais c'était pas des migrants, hein. Attention, hein. Elles avaient des mariages qui pesaient. Najat, c'est une migrante? C'est une migrante, Najat. T'es sûr, elle est pas mariée, elle a pas un mariage classe au-dessus. Non, c'est quelqu'un qui. Ah bah après, le mariage, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, c'est une migrante marocaine installée en France qui a jamais eu d'ailleurs de mandat électif significatif et qui a été bombardée au gouvernement. Non, mais c'est déjà, un exemple parmi. Manuel Valls, c'est un migrant aussi. Hein. Voilà. Vrai, il faut le dire. Hey, est-ce qu'on peut dire deux secondes que Manuel Valls a quand même une tronche à la fois de singe. Ouais, alors il y a un peu de ça, mais c'est vraiment, c'est tout en même temps, c'est-à-dire que c'est une teigne, il a une tronche de teigne, c'est-à-dire c'est vraiment celle tronche de teigne. En même temps, il a des traits un peu de gamin, c'est-à-dire d'enfant enfant frustré, tu vois. Et c'est vraiment, enfin je sais pas, c'est quelqu'un qui ne peut qu'inspirer que le mépris en fait, hein, quand on regarde ce qui est marrant. Deux minutes. Oui, et je voulais, excuse-moi, mais je voulais passer la parole à Hoffman, je sais qu'il voulait parler, donc vas-y, hein, fais-toi plaisir. Ok, donc en fait, je voulais simplement dire que c'est encore une fois de plus. La conception de l'identité chez les élites, hein, qu'elles soient de gauche ou de droite, c'est uniquement une conception qui est basée sur sur des valeurs ou sur le fait de parler une langue qu'on aurait en commun en fait, et absolument pas basé sur le racial. C'est pour ça que souvent je vois des patriotes qui font fausse route lorsqu'ils disent oui, mais s'ils s'intègrent, oui, non, machin, non, t'es nègre, quoi, t'es arabe, t'es jeune, quoi. Nous, on est des Européens, on est des Blancs, point barre. Je veux dire, à partir du moment où tu nous forces à accepter ces gens-là, ça va pas, quoi. Surtout que concrètement, je veux dire, si ça, au minimum, c'était vrai, mais on sait très bien que c'est pas vrai, c'est-à-dire on sait très bien que les migrants, enfin les gens qui viennent en gros envahir l'Europe, on parle de francophonie, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? On va nous apprendre l'arabe, etc. Aux États-Unis, les soi-disant les gens qui s'intègrent, hein, les Mexicains, bah, au final, quoi, tout le monde va apprendre l'espagnol, hein, il y a des programmes avec des subventions publiques pour apprendre l'espagnol, on encourage les gens. Enfin, donc, en réalité, il n'y a même pas de communauté linguistique. Même ça, c'est de l'arnaque. C'est même pas sérieux. Donc, de toute façon, mais oui, effectivement, il y a un dessin, ça me rappelle un dessin un vieux dessin, hein, d'un nationaliste français, je ne sais plus si c'était dans Rivarol ou quoi, avec genre des extraterrestres qui sont sur la Lune ou sur une planète et tout, et qui pointent du doigt la Terre et disent Ah, mais regarde, même nous, on est français. Je crois, ouais, c'est con, je crois, hein. Quelqu'un qui nous souffle là, mais. J'avais Ouais, juste un petit vas-y. truc à dire sur le faciès de Valls. Ce qui est très marrant, en fait, c'est qu'il a exactement le faciès de l'Hitler que Hollywood voudrait nous dépeindre, quoi. Voudrait nous inventer. Or, pour ceux qui ont déjà vu la tête d'Hitler dans des vrais albums photos, Hitler avait une tête tout à fait apaisée, il dégageait beaucoup de sérénité, il n'a pas du tout ce comportement névrosé qu'on imagine. En revanche, Valls, lui, correspond tout à fait au Hitler d'Hollywood. Hein, c'est un espèce de névrosé, même au niveau de la coupe de cheveux. En fait, il lui manque juste la petite moustache. D'ailleurs, il y Je a des sais pas, hein, photos montage qui ont été faites. même le Hitler d'Hollywood, quand même, il a plus de classe. C'est-à-dire que, je veux dire, même le Hitler des caricatures juives, tu vois, moi, j'ai plus envie d'être son ami. Alors que Valls, c'est vraiment un putain de caniche, quoi. Le truc, c'est un petit chien, quoi, ce truc, quoi. Je sais même pas d'où ça sort, qu'est-ce que c'est, mais oh là là, c'est atroce, hein. Porovitch, tu voulais parler. Ouais, pour en revenir à ce que disait Hoffman, cette conception de la citoyenneté, il faut comprendre que tout le système se réfère à un seul mot vraiment central, c'est république. Et donc on est dans cette opposition. D'un côté, vous avez la république, qui est un régime politique, et de l'autre, vous avez la France, qui est un pays charnel. Effectivement, la République, bah, voilà, c'est tout le monde, c'est un peu n'importe qui. Il dit, tant que c'est le système perdure, c'est bon, quoi. Même avec des nègres, bon, il peut y avoir des étupédiens, c'est pas grave. Et ça, il faut bien comprendre. Aujourd'hui, le combat, la dualité, c'est la France contre la République. Alors, Derek, tu voulais parler? Oui, le nationalisme civique, ouais, voilà, la France c'est une idée, c'est un petit peu ça. Le nationalisme civique, on voit ce que ça donne, quoi. Les Algériens, ils sont là, ça reste des putains d'Algériens, quoi. Ils sont depuis 40 ans, ce sont des sauvages. Donc, ouais, il va y avoir des députés, on va avoir des Rachida Dati afghans, c'est super. Alors, cela dit, je pense que ça sera dur d'en arriver à la même comment dire, conscience raciale que peuvent l'avoir les peuples du Nord. Parce que nous, on a quand même Comme une les histoire Suédois, par exemple. coloniale qui nous a perturbés sur ce plan-là. Donc, on peut être exigeant plus qu'actuellement, puisqu'actuellement, on est dans le gauchisme et dans la pudibonderie antiraciste. Enfin, c'est glauquissime ce qu'on est en train de nous faire subir. C'est de l'aliénation mentale. Mais cela dit, je pense que même, tu vois, ça sera très difficile que la France arrive à notre niveau d'exigence raciale, quoi. Moi, je Parce crois pas, qu'il en y a fait. on a un passé, un passé impérialiste, un passé, voilà, Ouais, mais on est. concrètement, enfin, moi, c'est un problème qui me touche, ça, c'est que enfin, on est quand même dans une période historique où, si tu veux, tous les pays blancs, tous les pays occidentaux, enfin, européens, peuplés par des Européens de l'Ouest, sont attaqués par la même tentative de submersion migratoire, etc. Et bon, c'est vrai qu'on est tous attachés, évidemment, par la langue, hein, d'abord, notre expérience, etc., à la France. Mais moi, personnellement, je veux pas jouer, hein, les gens qui admettent la défaite ou quoi, mais je ne vois pas comment la France, en tant que France, se sort vivante de tout ça, quoi. Hein. Je ne veux pas être méchant, mais... Et je veux aussi dire que, quelque part, est-ce que c'est pas plus important, est-ce que c'est pas plus intéressant de savoir si on va arriver à créer quelque part, où que ce soit, c'est-à-dire si on va arriver à créer un ethno-État européen, si on va arriver un jour à cette finalité, plutôt que de se demander, moi c'est un problème que j'ai avec les nationalistes français au sens strict, c'est-à-dire qu'ils sont toujours focalisés voilà, sur la survie de la France. Est-ce que par hasard, l'enjeu ne serait pas aujourd'hui, avec ce qu'on subit sur le plan global, est-ce que l'enjeu ne serait pas par hasard un petit peu plus élevé que ça? Et est-ce que la survie de la France, dans tout ce bordel, ça serait pas un petit peu peanuts, tu vois? Et bien sûr, mais là, t'es dans l'idée. Excuse-moi, Zeiger, juste deux secondes. Là, t'es dans l'idéologie, et c'est évident que t'as raison. C'est-à-dire que. Il faut avoir un idéal pour se projeter. L'idéal si tu veux, quoi. Serait ce que tu dis toi, mais les infrastructures face à l'urgence. Le fait est qu'on a les seules infrastructures qu'on a en place aujourd'hui, ce sont les infrastructures françaises. On a une police française, on a une armée française, on a des corps constitués en France qui fonctionnent comme ça depuis des lustres. Et on est dans une situation d'une telle urgence que ça me semble très compliqué de s'imaginer d'autres structures se mettre en place sur le plan européen qui puissent concurrencer les structures actuelles. À mon avis, c'est une infiltration et un retournement des structures actuelles pour peut-être ensuite se tourner vers un projet comme tu nous l'évoquais là, mais ça me semble très difficile de d'évoquer ce projet là face à l'invasion migratoire, face à la pression. Je pense que c'est important, c'est un des points, je vais laisser la parole à Zeiger juste après, mais c'est un des points sur lesquels je suis d'accord avec par exemple un mec comme Richard Spencer qui est beaucoup critiqué pour différentes raisons, c'est que pour arriver à, comment dire, si tu as un point à, comment dire, un point B auquel tu vas arriver, tu es au point A, tu vas arriver au point B, et ben en fait il faut placer l'objectif encore plus loin que le point B, quoi. Il faut se projeter encore plus loin, avoir ça comme idéal, tu vois, viser quelque chose de vraiment, parce que tout simplement ça a un pouvoir de motivation, ça a un pouvoir de création de mythes, etc. Je dis pas que c'est inatteignable, mais c'est quelque chose de puissant sur le plan psychologique. Et quand le seul horizon que tu te fixes c'est la survie de la France, et que tu vois ce que c'est que la France maintenant, biologiquement, même si tu regardes juste les Français de souche, même si tu regardes juste les Blancs, tu dis ok, il n'y a plus de bout nul, tu regardes juste ce que c'est que les Blancs en France, et tu te dis, ton horizon politique, c'est la survie de ça. Est-ce que quelque part ça te motive vraiment, tu vois, en étant honnête hein. Comme ça, d'accord, c'est-à-dire comme un idéal à viser qui nous. Ah, c'est important! Moi, j'irais au contraire de ça, exactement. C'est-à-dire que, en général, les gens sont plus motivés par les choses qui sont plus près d'eux. Donc, par exemple, c'est beaucoup plus facile d'être motivé à défendre sa famille, de défendre sa ville. Plus facile de défendre sa ville que de défendre sa nation. Et c'est plus facile de défendre sa nation que de défendre... C'est-à-dire que plus on s'éloigne, plus ça devient abstrait et difficile à comprendre. L'idée du pan-européanisme vient surtout des Américains, parce que pour les Américains, il y a une certaine confusion entre la race blanche et la nation américaine, parce que pour eux, ben, c'est-à-dire que pour eux, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été mis côte à côte avec des races différentes, donc les Noirs, les Juifs, les choses comme ça. Donc, eux, ils se définissaient comme étant des Blancs, mais en réalité, Blancs, pour eux, c'est pas vraiment une race, c'est vraiment leur groupe national. Tandis qu'en Europe, la race blanche, c'est une abstraction de plus haut niveau que de dire le peuple français, qui est un groupe biologique plus restreint. Donc, je ne suis pas sûr du tout, mais mes conversations avec d'autres Européens dans le nord de l'Europe, dans l'Europe de l'Est et tout ça le confirment, c'est que eux, leur motivation à défendre la race blanche est beaucoup moins élevée que leur motivation à défendre la Serbie ou le Danemark. Ou leur pays d'origine, parce mais que leur famille que biologique est plus proche. C'est une question d'échelle, et je pense que les deux ne sont pas mutuellement exclusifs, si tu veux. C'est-à-dire que, évidemment, je suis d'accord avec toi hein, sur le fait qu'il est beaucoup plus facile de motiver les gens à défendre ce qui est proche d'eux. Ça, c'est évident que tu vas être plus motivé pour défendre ta famille, ta ville, etc., bien sûr. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Et c'est pas parce que tu vas déployer une certaine quantité d'énergie pour te focaliser sur ce qui est autour de toi que il ne faut pas comprendre ce qui se passe à l'échelle globale. C'est pas parce que tu défends avant tout ta famille que tu ne dois pas comprendre que les Blancs sont en gros menacés à l'échelle globale, qu'on essaye de les submerger à l'échelle globale, et qu'il ne doit pas y avoir une tentative plus large de réfléchir à un projet pan-européen, même si je suis d'accord avec toi que les Européens d'Europe de l'Ouest, etc., sont moins réceptifs à ça, parce qu'il y a tout un historique de guerres intestines, etc., de différents nationalismes qui se sont bâtis les uns en opposition aux autres, etc. Mais justement, c'est un fait, on est d'accord. Mais est-ce que, parce que c'est un fait, est-ce que ça n'est pas justement un défaut? Est-ce que c'est pas là-dessus que nos ennemis se sont hissés au top de leur pouvoir, hein? Est-ce que c'est pas justement une faiblesse? Et est-ce que c'est pas justement là-dessus, en parallèle, hein, en parallèle au local, qu'on doit travailler? Je sais plus qui c'est qui avait dit ça, enfin c'est un petit peu un slogan à la con, hein, qui peut passer pour quelque chose d'un peu ridicule, mais agir local, penser global, quoi. Hein. Mais gardez ça sur le feu, c'est une discussion très intéressante. Je passe donc à la rubrique numéro 2, qui s'appelle Suédisme, en référence à la Suède. Alors, on parlait de ce que les Américains qualifient de petit nationalisme, hein, de petit nationalisme, quoi, hein, veut dire ouais, on peut appeler ça comme ça. Bon, bah, là, on y est. Défense de la Suède, zéro, hein. Nouvelle statistique. Ça va te parler, Astérix, puisque toi, tu connais bien ce pays. Enfin, tu le connais un petit peu. Je le connais très, alors, très bien. 2015, statistique des agressions sexuelles. Pour ce pays de 10 millions d'habitants, 480 000 agressions sexuelles pour la seule année 2015. C'est la statistique qui a été livrée par le Conseil national suédois pour la prévention du crime. La Suède qui a reçu un flot massif de migrants ces 15 dernières années, et évidemment, à partir de 2015 encore plus, puisque, comme vous le savez, la Suède milite agressivement pour importer tous les basanés de la planète. Hein. Là, c'est... Bah, parle-nous-en un peu, Astérix. Vas-y, ça t'inspire quoi, ce chiffre? Et puis, tu peux même revenir sur ce truc migratoire. Ça m'étonne absolument pas. Cela dit, il faut dire aussi une chose, c'est que le chiffre est gonflé, mais loin de moi l'idée de vous dire que les chiffres sont pas énormes. C'est des chiffres absolument ahurissants, hallucinants. Mais cela dit, il est un petit peu gonflé par rapport aux pays du Sud, parce que le féminisme là-bas inclut par exemple une main aux fesses, c'est une agression sexuelle, une main aux tétés, c'est une agression sexuelle, alors que dans les pays du Sud, bon, c'est plus ou moins accepté, en boîte, ça se touche les fesses, ça tout va, quoi. Donc, le chiffre est gonflé, mais peu importe, il est peut-être doublé, mais même en le divisant par deux, on est à 200 000 agressions sexuelles. Moi, ça m'étonne absolument pas, parce que ce qu'ils sont en train d'accepter là-bas, c'est la lie de l'humanité. Et je veux pas faire ici du racisme, voilà, juste pour faire du racisme. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, c'est-à-dire qu'en France, ok, on a des Maghrébins, des Maliens, on a des gens, des Congolais, on a des gens qui sont parfois drogués, qui viennent du tiers-monde, qui font peur. On a quand même des Algériens. Voilà, non, on a quand même du gros cassos en France. Mais attention, ce qu'ils ont là-bas, ce qu'ils sont en train d'accueillir là depuis 10-15 ans, ça n'a rien à voir. Et eux, ils sont en train d'accueillir tout ce qui vient de l'Érythrée. Ils sont en train ils doivent se coltiner à peu près 30% de ce que l'Europe se tape en érythréen doit arriver en Suède. Parce que, bah, vous savez, eux, ils sont communautaristes. Donc à partir du moment où ils commencent à établir des bases où ils sont assez nombreux pour développer leur mode de vie et tout ça, bah, ils appellent la famille, puis la famille, c'est pas trois pélos, hein. C'est 115 membres, c'est des clans, quoi. C'est des clans de pirates, drogués, affamés, cannibales, c'est tout ce qu'il y a de pire, musulmans, extrémistes, on est vraiment dans de la piraterie. Ils ont des gueules de squelettes, hein. Ils ont des gueules, voilà, de squelettes. Exactement, ils ont des gueules de on les croit sortis d'un film de Tim Burton, avec une mâchoire proéminente, comment ça s'appelle, ils sont tous prognates, ils ont tous des gueules de Ronaldinho, des dents déchaussées, des putains de mâchoires, des putains de gencives de jument, des grands fronts aussi, des espèces de têtes d'extraterrestres, comme ça, ils sont souvent très maigres. Alors ce sont des gens sur le plan athlétique qui trustent les podiums de l'endurance, quoi. Tout ce qui est cross, endurance, marathon, tout ça. Les Éthiopiens, les Érythréens, ils sont très forts là-dedans. Ça m'étonne pas. Ils ont des gabarits économes. Mais alors, d'une laideur inouïe, avec une langue d'une agressivité inouïe, c'est de l'art. Enfin, je sais pas ce que c'est cette langue, le somali, là, mais c'est absolument atroce, quoi. Ils se comportent de manière tellement sauvage qu'ils ont fait adopter le nationalisme à pas mal d'immigrés qui les avaient précédés. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'immigrés issus de la Yougoslavie, de l'Inde, de l'Iran, qui aujourd'hui se disent, putain, on va se tourner vers les Suédois blancs, parce que là, vers les Suédois blancs racistes, parce que ce qui est en train d'arriver là, ça vient d'une autre planète, quoi. C'est la fin du monde, là. Et il n'y a que des Suédois gauchistes, une fois de plus, des espèces de masochistes qui ont envie de crever, qui continuent à accepter ça la bouche en cœur. Mais c'est vraiment révoltant ce qu'on est en train de voir. Parce qu'en plus, c'est un pays où le bien commun a un vrai sens. Là-bas, on n'est pas chez des Gaulois qui veulent tous tirer la couverture à eux, hein. Les Suédois, ce sont des gens qui mettent tout un tas de choses en commun. Enfin, la social-démocratie suédoise, ça a vraiment socialisé le pays. Et là, face à ces hordes de Somaliens, tous ces biens communs sont en train de se faire piller. Toutes les aires de jeux pour enfants, les stades de foot, tout est en train de se faire dépouiller, défoncer. Ils n'ont aucun respect pour rien. Ce sont des pillards. Ils vivent comme ça depuis des milliers d'années. Et très, très dangereux. Des gens d'une dangerosité qu'on a même du mal à conceptualiser, quoi. Euh, Ouais. c'est, Et euh, c'est, t'es c'est... quand même t'es quand même un petit peu méchant avec Tim Burton, parce que Tim Burton version africaine, hein, parce que le mec justement il vient de se faire attaquer récemment parce qu'il mettait trop de blanc en fait dans c'était trop pâle quoi dans ses films. Alors les Érythréens chez Tim Burton ça va quoi, il y en a pas trop quand même. Ouais, bah la Suède, il n'en reste plus grand-chose parce que là, enfin, je veux dire, bah ouais, t'imagines, tu fais venir du Somalien, il voit des blondes partout qui se baladent en mini-jupe, les types doivent. Ouais, là, les câbles, ils sautent, quoi, c'est sûr. Il faut voir ce qu'est le Suédois en plus. C'est-à-dire que le Suédois, il n'y a pas plus gentil, parce que là, on va revenir aux hormones. C'est dommage qu'on ait notre camarade Alexis qui n'ait pas pu être là, mais si vous voulez, les Nordiques produisent beaucoup moins de testostérone, ce qui leur donne un rapport à la violence complètement différent. C'est-à-dire que le Suédois n'est pas agressif. Ça ne veut pas du tout dire qu'il se laisse marcher sur les pieds, parce que ça, c'est autre chose. Une fois qu'on le pousse à bout, le Suédois est capable de tout à fait mettre en place des plans. Déjà, avec son cerveau développé, il est capable de Mais mettre en place les des plans Vikings, pour. alors, c'est une légende, qu'est-ce qui se passe? Les Vikings, c'est Les plus des Vikings. Danois, hein, c'est plus vers là, Oui, hein. Ah, non, mais d'accord. c'est ce que je dis là. Donc c'est C'est-à-dire les qu'il ne faut pas Danois qui sont confondre. chargés de testostérone, Non, non, pour mais moi. les Non, mais on peut Danois sont avoir de la des... force qui ne procède pas de la testostérone. C'est-à-dire que la testostérone, c'est la force agressive. C'est la force qu'on voit chez les boxeurs, chez les Alors que les rugbymen. Eux, ils sont Vikings, bourrés de genre, c'est la testostérone. force Non, du bonus, quoi. les Vikings, c'était des brutes redoutables. Enfin, les mecs étaient ultra dangereux. Mais c'était des Danois, c'était les Danois qui étaient des gens très dangereux, des guerriers extrêmement extrêmement redoutés. Mais d'ailleurs, les Danois et les Suédois ne peuvent pas se saquer, hein. Faut quand même le Bon, d'accord. savoir. Donc la Ah oui, ils peuvent conclusion, en pas gros, c'est qu'il saquer. faut gazer les Suédois, c'est ça? Bah en fait, on a cette image, en fait, on se dit, en gros, on a avalé les clichés de la propagande antiraciste ou raciste d'ailleurs, c'est qu'en fait, on se dit bon. Blond arien, blond scandinave, scandinave Suède, suédois égale super arien. Oui, mais sauf que non, parce que en fait les types, c'est pas les plus méchants de la zone, loin s'en faut. Hein. Bah, il a Loin bien s'en faut, expliqué. loin s'en D'ailleurs, faut. c'est le seul pays qui a pratiquement pas colonisé, autant que je sache. C'est un pays qui est resté très longtemps neutre. Il y a eu une petite phase contre la Russie, mais ça remonte à quand même un bon moment maintenant. Non, si on veut tomber sur les vrais Scandinaves méchants, c'est chez les Danois, qui ont d'ailleurs pratiquement, on peut dire, au niveau de la qualité de leurs mecs, la meilleure armée du monde, proportionnellement, je veux dire, c'est ils ont les meilleurs soldats, les plus carrés, les plus combatifs, les plus agressifs, les plus intelligents, c'est clair, quoi. Enfin, la race parle, quoi. Mais la Suède, non, non, la Suède. Ah, c'est un pays de gentils nounours, c'est vraiment, c'est même un pays de fiottes occidentales, C'est hein. pas Faut carrément passé, c'est utiliser pas le passé terme. en termes législatifs que les hommes devaient aller faire pipi assis, non? Si, ça Il y a devait eu du... passer. Non, Voilà, non, non, c'était pas mais passé, ça a été ça. proposé. Moi, j'ai beau m'étonner hein, de ce qui se toujours, de ce qui se passe en France et à quel point on se gauchise, mais faire passer légalement que les hommes doivent aller pisser assis, je veux dire, c'est quand même, ça va Non, très très mais une loin. fois de plus, là-bas, en fait, c'est vraiment, c'est exactement comme la France, c'est-à-dire qu'il y a deux pays. Il y a les capitales, les grandes villes, donc Göteborg, Malmö et Stockholm. Et ces villes-là sont polluées par le gauchisme, le boboïsme, le multiculturalisme, tout ça. Puis il y a la Suède profonde. Malheureusement, démographiquement, la Suède profonde ne peut pas lutter. Mais la Suède profonde, ce sont encore des braves gars qui comprennent très bien qu'ils n'ont rien à faire avec des Somaliens. Et c'est triste pour eux. Mais bon, le climat difficile du nord de la Suède et tout ça fait que, à mon avis, ils vont être préservés. C'est-à-dire que les capitales vont se faire infester, mais elles le sont déjà. Hein. Stockholm, moi j'ai vu en direct Rinkeby, qui est une banlieue proche de Stockholm, se somaliser en l'espace de 3 années. C'est-à-dire que moi je vais tous les ans en Suède et chaque année, à l'époque, j'allais à Rinkeby pour voir un ami indien et j'avais un autre ami équatorien là-bas. Enfin bref, donc c'était encore multiculturel. Eux deux ont déménagé, ainsi que tous les autres qui n'étaient pas de race somalienne. Tout le monde déménage. Et aujourd'hui, Rinkeby est intégralement somalien parce que personne ne peut cohabiter avec ces gens-là. Il y a vraiment des hiérarchies à faire et les Somaliens, c'est la lie de l'humanité. C'est vraiment très grave pour la Suède. Ils ne se rendent pas compte avec quoi ils sont en train de jouer. Ils jouent avec la génétique à des niveaux qui ne comprennent vraiment pas là. Parce que il n'y a rien de plus C'est antinomique qu'un Suédois et un Érythréen. un joli bébé métis de Somalien. Bah, c'est comme se balader avec, comment dirais-je, une allumette au beau milieu d'une cave remplie de poudre, quoi. Voilà. Et, bah, on va voir ce que ça donnera. On passe au dernier sujet avant la pause. Et là, je sens que des gens vont vouloir se lâcher, hein. Rubrique numéro 3. Le droitard de la semaine. Alors des fois c'est la gauchiasse de la semaine ou les gauchiasses de la semaine. Cette semaine c'est le droitard. Palme qui revient à Alain Delon. Les émissions de Cyril Hanouna sont faites pour des millions de cons, d'après lui. Donc là je cite, voici, hein. Quasiment jamais assis devant sa télé, Alain Delon a également un avis bien à lui concernant Cyril Hanouna et son succès d'audience avec Touche pas à mon poste. Et là l'article cite Alain Delon. Il ne va pas être content car je n'en pense rien. Il a dû comprendre et bien assimiler pourquoi on l'aimait. Et il en joue. Je trouve ça guignolesque. Cyril Hanouna, à chaque fois que je tombe sur lui, c'est toujours la même mimique, le même sourire, le même regard, déclare l'acteur qui, encore plus cinglant, attaque aussi directement les téléspectateurs du talk show de D8. Et là, l'article cite encore Alain Delon. Il n'y a pas que lui. Ce qui me fascine salement, entre guillemets, c'est que ces émissions sont faites parce qu'on est sûr d'accrocher des millions de cons. Je n'ai pas dit de français, j'ai dit de con, poursuit Alain Delon. Voilà. Alors, est-ce que vous partagez le constat d'Alain Delon ou est-ce qu'au contraire, vous prendrez la défense de Cyril Hanouna? Effectivement, c'est un constat factuel de la part de Alain Delon. Je crois que oui, c'est une émission pour débiles légers, débiles profonds. Alors moi, Alors. je l'apprécie beaucoup, Cyril Hanouna, parce que c'est une caricature antisémite vivante, quoi. Tu regardes son émission, tu tombes sur lui par hasard, et puis tu as l'impression de te trouver sur Der Stromer, à la belle époque. C'est beau. Pour Alors, moi, Cyril Hanouna, il fait un peu partie de ces choses qui scindent l'humanité en deux. Vous savez, on avait parlé du Brésil, on avait dit qu'il y avait les êtres humains qui jamais n'y mettraient les pieds, les êtres humains qui idolâtraient le Brésil. Et Hanouna, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que. Il n'y a vraiment pas de juste milieu. Il y a des gens qui aiment ce type-là et il y a des gens qui ont envie de vomir. Moi, je fais partie de ceux qui ont envie de vomir. Rien ne me revient chez ce mec-là. Je ne peux pas le regarder 5 minutes. Tout me débecte, sa vulgarité, tout me saute aux yeux, quoi. Et bah, les gens, d'ailleurs, moi, j'avais des proches qui écoutaient son émission et moi, ça m'a interpellé, je me suis posé des questions sur ces gens-là. Et même, il y en a certains avec qui j'ai coupé les ponts. Parce que pour moi, c'est des choses tellement tellement inouï de suivre un tel sous-homme, un tel amas de conglomérat de vulgarité, que c'est vraiment rédhibitoire, quoi. On n'a pas le droit de regarder ça, quoi. En fait, Anne Lam, il fait suscite à... vraiment, là, moi j'ai remarqué, enfin, il suscite, et je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il y a, enfin, il y a peu ou pas de réaction neutre ou indifférente. J'ai remarqué ça, c'est effectivement, tu as soit des gens qui le suivent, parce que visiblement il est très populaire, enfin, autant que je puisse en juger par les chiffres, et visiblement c'est reconnu, ou alors vraiment des réactions outrées, scandalisées de personnes qui disent mais comment c'est même possible ce truc. Et moi personnellement, je dois avouer que ce mec me laisse assez indifférent. Enfin, je trouve qu'il ne dépareille pas avec toute la guignolerie qu'on s'est tapé pendant des années. Alors vous allez peut-être me dire que c'est un degré au-dessus, mais je veux dire enfin, il suffit de se rappeler de Chavannes et de Patrice Carmouze où c'était déjà bien débile, ou la gaffe. Enfin bon. Alors vous allez peut-être me dire ouais, mais bon, c'est... je sais pas. Ah, mais t'as pas de Chavannes et Carmouze, t'as pas la gueule d'Hanouna, parce que Hanouna, voilà. Il y a ça, il y a aussi Chavannes, ça. Il avait quand même sa grosse tête à claque. Hein, Ouais, non, mais attends. Non, mais même là, on par voit rapport que au tas d'huile qu'il y a à Hanouna, c'est autre chose. Hein. On voit, Gandalf, que t'as suivi Hanouna avec un regard distant. Moi, j'ai un tout petit peu suivi parce que justement, je vous dis, j'avais des gens qui regardaient ça, chez qui j'ai été obligé de rester le temps de la soirée, et j'ai pu constater qu'il y a du sadisme à un niveau qui n'a jamais existé chez De Chavannes, même chez Delarue, qui était un sadique inouï, infini, avec ses invités là, vous savez, qui les torturaient pour les faire parler, leur faire raconter leur misère sexuelle et tout ça. Mais même là, Hanouna, c'est pire parce que lui, c'est avec ses employés. C'est-à-dire, il prend un malin plaisir à jouer sur la volonté de réussite des petits minables qui sont ses collaborateurs. Et du coup, c'est un espèce de pervers narcissique en direct, quoi. Pour faire un peu une étude psychologique de ce qu'est le pervers narcissique, il suffit de regarder l'émission d'Hanouna et c'est un pervers narcissique avec ses collaborateurs. Et c'est assez dégueulasse à regarder, quoi. Il a entre autres une petite fiotte blonde, là, Delormeau, à qui il fait subir toutes les pires sévices, quoi. Il lui a mis des nouilles dans le froc. Là, dernièrement, il lui a encore fait un coup pas possible. Il l'a traumatisé. Enfin, le type va peut-être finir par se suicider parce qu'il aura subi le sadisme rabbinique, quoi. Et en fait, ça me fait penser personnellement à Michael Youn dans le Morning Live, en fait, parce que la chiasse, ça fait, comme disait Gandalf, ça date pas d'hier, quoi. Michael Youn, alors là, par contre, je peux réagir. Alors, ce type génère chez moi une envie de vomir, et pas que d'ailleurs, mais c'est juste insupportable, toutes ces fausses gloires. Envie de construire des chambres. Non, non, il a juste envie de vomir, là, mais je n'en peux plus, quoi. Je veux dire, mais il s'est dégonflé, lui. Lui, son truc, c'est ça, voilà. Mais c'est la même chose. Moi, je suis assez d'accord avec les gens qui disent, de toute façon, c'est la prolongation de Chavannes, d'Antoine de Caunes, de tous les trucs de Canal+. Tout ça, c'est juste, en fait, un pas de plus dans la même direction à chaque fois. C'est la même chiasse, quoi. Je veux dire, il n'y a rien, enfin... Moi, je vous assure qu'il a j'ai dû croiser Hanouna une ou deux fois sur des vidéos à la con, mais c'est tout. Et je dois avouer que je suis pas au fait de. Mais j'imagine parfaitement le genre de caca que c'est. J'ai vu son visage, effectivement, qui a vraiment une gueule de sale youtron de merde. Mais quand même, je pense pas que ça doit s'éloigner beaucoup de ce qui se faisait déjà. En un petit peu plus violent que Antoine de Caunes, que les mecs de Canal+, que Michael. Enfin, c'est la même chiasse, quoi. La télé française, quoi, les gars. Hein, je veux dire. Voilà. Non, mais la télé. Tout court, je trouve quand même que les youtres sont quand même très représentés. Moi, je pense aux nuls, avec Chabat et le gros, là. Putain, mais à côté de ça, les nuls, c'était super gentil, quoi. Enfin, Ah, c'était ouais. déjà de la grosse merde, je veux dire. Ouais, ah oui, c'était de la grosse merde, mais c'était gentil, quoi. Je veux dire, c'était ouais, cool, mais c'est quoi. Le début du caca, en fait. Parce qu'on est quand même passé de des proches, après on est passé aux inconnus. Les inconnus, c'était encore pas mal, c'était drôle. Les sujets de société et tout. Et après, on est passé au nul, quoi. Et les nuls, c'était pipi caca, ça allait pas haut. Parce que moi, je fais démarrer, tu vois, Hopman, je suis un grand, grand fan de des proches, mais moi, je fais démarrer la merde à des proches. Parce que justement, des proches, c'était le début du nihilisme et du boboïsme parisianiste. Absolument. C'est-à-dire que c'est cette espèce d'élitisme qui commence à rigoler sur les comportements racistes du peuple, sur les comportements et qui n'est plus le bouffon du roi. Ce ne faisaient pas les inconnus. Les inconnus ne méprisaient pas du tout ça, tu vois. Voilà, alors moi, j'irais un peu plus loin. Moi, j'irais même faire remonter jusqu'à Coluche. Ah mais Coluche et Desproges, c'est la même période, hein, c'est 84. D'ailleurs, Desproges est mort de son cancer en 84 et Coluche est mort de son accident de moto en 86. Ouais, moi, Coluche, je trouve chez lui, il y a un côté aussi, il y a des trucs comme ça qui sentent déjà bien l'excrément. Et c'est des gens qui sont adulés. Qui sentent le paradis communiste, hein, excuse-moi. Ça pue le. Ouais, mais plus populaire. Et enfin, on peut même remonter, si on veut vraiment aller au cœur du problème. C'est Charlie Hebdo, c'est Choron. Moi, Choron, je dégueule Choron, vomis Choron. Exactement. C'est la source du. Ah bah, enculeur de sergent-chef, il n'y a pas de saut métier. Hein. Non, mais il faut y venir. Ça c'est bien de dérouler un peu le truc, parce qu'il n'y a pas Hanouna s'il n'y a pas Choron. Exactement, et on s'en fout. Et c'est un vrai marqueur, hein, parce que tous les enculés, tu vois, comme Soral, etc., qui en fait méprisent les petits blancs, les enculés de ce genre-là sont des gros, gros fans, comme Nab, comme ça, sont des gros, gros fans de Choron. Choron, c'est vraiment un putain de marqueur, hein, ça c'est sûr. Hein. Bah, c'est le type, tous ces mecs-là, c'est les mecs, tu vois. Qui se pourlèchent de merde humaine. C'est ça, il y a vraiment un côté coprophagie, tu vois. Ils aiment ça la merde, quoi. Ça transpire. Et puis l'humour, et puis le truc, tu vois, c'est bite couille cul. C'est bite couille cul, c'est tout. Et l'obscénité, parce que c'est pas seulement ça. S'il faut voir Choron raconter comment, à l'époque où il se faisait sucer en Indochine par un gosse, quoi. Il est là, il est très content, très fier de son anecdote. C'est pas seulement que c'est con, c'est obscène. Et ça s'adresse qu'à des bourgeois dégénérés, ce genre d'humour. Parce que la grosse différence, elle est là, entre Coluche et Choron. C'est-à-dire que Coluche, c'était peut-être un gauchiste mental, il s'était fait bouffer le cerveau par Attali, d'accord. Mais Coluche, on sentait, à travers tous ses sketchs, à travers qu'il avait une vraie... Il se sentait proche du peuple. La victime du MJC, quoi, Coluche, quoi. Non, mais si vous voulez, il y a deux genres de farceurs. Il y a les gens qui font des blagues sur les élites pour faire décompresser un petit peu le peuple dont ils se sentent proches. Et il y a des gens qui font des blagues pour les élites en se moquant de la simplicité du peuple. Et moi, c'est peut-être mon côté populaire, peut-être gauchiste un peu, même si j'ai jamais été de gauche. Mais en tout cas, moi, je me sens proche des comiques qui font marrer en se moquant des élites et qui font marrer le peuple en se moquant des élites. Et si vous voulez, les inconnus, Coluche, Dieudonné, ils ont toujours été dans ce registre-là. Tandis que les mecs comme Desproges, ça a quand même été des gens qui ont commencé à beaucoup se moquer. Ouais, mais regarde, se moquer du bas. Alors, la dichotomie, Soral, tu vois, il va encenser un mec comme Dieudonné, tu vois. Mais à côté de ça, les inconnus, il les connaît pas, tu vois. Et alors, mais messieurs, je vais devoir. Vas-y. Voilà. Donc, comment dire, on va se séparer pour une pause musicale et on se retrouve. Alors, pour la deuxième partie consacrée aux élections américaines, qui sera le prochain président des États-Unis. On va en parler. Mais tout de suite, pause musicale. T'es qu'un sale babose de merde. Ouais, t'es qu'un sale babose de merde. Hein, avec tes vieilles dreads. T'es qu'un babose de merde, frelon. Nique ta mère et toute ta famille de gitans. T'es qu'un babos de merde. Tu m'as lâché pour un crassou, hein. J'suis sûr c'est pas un bon coup. Putain. Dans ses poils de bite y'a des poux. Il a pas de passion. Ça restera un babos de merde, hein. Du haut de son squat, il regarde pousser la verre. Ton booster dans la ville, on faisait des toits à tous les képis. Bang, bang. Tu m'as cocu avec un Yankee. Assis sur un banc 5 minutes avec toi à effriter. Le joint, les langues en train de se rouler. J'suis un grossiste, c'est un drogué. Je veux plus que tu te shootes à la MD. Je paye le resto quand il parle de famine. J'ai un complaint, je veux les couilles vides, hein. Je commence à bander mou, le soir je suis sous, les gens disent que je suis fou. Au coin de la rue, ton nouveau mec m'a demandé des sous. On tapait des go fast, le Uber brûlé, le diesel. Ma mère, j'ai le cœur plus grand qu'un Sarwell. Apprends à t'habiller, sale babos de merde. Va trouver du travail, sale babos de merde. Arrête de te droguer, sale babos de merde. Tout ce qu'on dit tu l'avales, sale babos de merde. J'fume mes problèmes, j'cultive la haine. T'aimais les Grecs, là t'es végétarienne. Les teufs, l'exta, t'ont donné des rides. Dans ton jardin intime, y'a des plants de weed. À l'association de ton camé, je donnerai que dalle. Ça crève la dalle en Afrique, mais c'est pas cher un kebab. Il tape du pied et fume des ouinges par tous les orifices. Ce soir, c'est filet de dauphin, fuck la Greenpeace. Je vais charbon la chanson, m'amène, j'arrête le deal. Des dreads, moi j'irai buter d'Anakin. T'assumais plus d'être tombé love d'un voyou. T'étais mannequin, maintenant tu portes des chandails du Pérou. Apprends à t'habiller, sale babos de merde. Va trouver du travail, sale babos de merde. Arrête de te droguer, sale babos de merde. Tout ce qu'on dit tu l'avales, sale babos de merde. Retour sur démocratie participative, après cette pause musicale méritée. On va parler maintenant des élections présidentielles américaines 2016, qui sont des élections exceptionnelles à plusieurs titres. Je crois qu'on peut dire que ça n'a rien à voir avec celles qu'on a connues précédemment, c'est reconnu par beaucoup de commentateurs. Bon, je rappelle quand même des choses, bon, la plupart d'entre vous le savent évidemment. D'un côté, le candidat républicain élu contre la volonté des caciques de ce parti, Donald Trump, milliardaire, ayant bâti un empire dans l'immobilier et aussi un peu plus tardivement dans le sport et d'autres activités, bien sûr. Et en face de lui, la candidate du Parti démocrate, donc de la gauche institutionnelle américaine, Hillary Clinton, femme de Bill Clinton, l'ancien président de 1992 à 2000. Alors, Donald Trump a fait campagne résolument sur un ton qui se résume à un slogan, « America first », »,« Amérique d'abord ». J'ai trouvé des similitudes avec certains, c'est-à-dire qu'il y a des réminiscences de tentatives tout au long du XXe siècle, hein, de candidats qui ont essayé de percer sur l'idée de l'Amérique d'abord, d'une forme de nationalisme ou de patriotisme. On retrouve aussi des éléments de protectionnisme. Et en face, bon, Hillary Clinton, c'est la candidate du statu quo, la candidate du business as usual, on change rien, le système doit se maintenir. Alors en France, si on devait faire une analogie, bon, une analogie, attention, hein, c'est très relatif, c'est juste pour donner une idée, c'est un petit peu comme si on avait Marine Le Pen qui aurait gagné un petit peu vers la primaire de la droite conventionnelle et qui deviendrait du coup la candidate officielle de la droite institutionnelle face, on va dire, à François Hollande ou bien à un autre représentant de la gauche institutionnelle. Bon, beaucoup de pression, beaucoup de violence aussi durant la campagne. On a vu des émeutiers payés. Il y a eu des émeutes raciales qui ont été alimentées par des gens comme Soros, hein, qui financent la campagne de Clinton. Bon, vraiment une campagne hors norme. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on est à quelques jours, hein, ça se passe le 8 novembre, les élections. J'ai envie de prendre un petit peu le sentiment des uns et des autres sur cette fin de campagne. Comment vous voyez les choses là, la température? Alors vous pouvez commenter soit pour ceux qui sont en Amérique du Nord, bah comment vous vivez le truc chez vous. Et puis pour ceux qui sont en France, bah, c'est quoi le climat? C'est forcément pas le même, quoi. Qui veut commencer? Je peux y aller. Ça, Igor, vas-y. Ma première observation, c'est que c'est le développement de la campagne défie toutes les attentes. C'est-à-dire qu'au début, la rhétorique de Trump semblait être extrémiste et tout le monde disait « Ah, il dit ces choses-là seulement pour gagner son propre parti, mais la campagne va se développer, il va rendre son ton plus doux, arrêter d'attaquer les gens. » Il va éliminer sa rhétorique contre les banques, les choses comme ça, les immigrants, les choses. Mais ce qui s'est passé, c'est tout à fait le contraire. Trump s'est radicalisé jusqu'au point où, à la place de pouvoir le caractériser comme nationaliste civique, il semble être un national-socialiste civique, si une telle chose est possible. Donc, alors, socialiste, je ne vois pas les éléments de socialisme chez Trump, par contre. C'est-à-dire, au sens, si on peut dire, nazisme. Mais, premièrement, au niveau de l'immigration, il a fait un discours il y a peut-être 2 mois, très important, et où il a radicalisé beaucoup son ton. À la place de dire qu'il allait filtrer les immigrants et qu'il allait faire un mur au sud avec les Mexicains, il dit « oui, on va faire ça, mais en plus, on va arrêter l'immigration légale. » C'est-à-dire que aux États-Unis, c'est un peu un tabou de parler de l'immigration légale. C'est-à-dire que même les plus extrêmes vont parler de l'immigration illégale, donc l'invasion des Mexicains, les gens qui viennent sur des visas de tourisme et qui restent plus longtemps après, des choses comme ça. Mais le concept de laisser entrer des immigrants légalement, ça, c'est comme c'est sacré. On ne peut pas toucher à ça. Mais Trump a dit... Non, mais dorénavant, il faut que si on laisse entrer des gens, il faut que ce soit à notre bénéfice. Donc, il a parlé de niveau d'intelligence, de niveau de capacité, de culture, de choses comme ça. Ce qui se résume, bah, littéralement à seulement de l'immigration européenne. Je l'ai même entendu dire, il fait oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a dit, à un moment donné, je sais plus comment il avait formulé, mais c'est dans un discours, il avait dit. Je connais beaucoup d'Européens qui aimeraient venir en Amérique, ils peuvent pas, et pendant ce temps-là, on reçoit des gens, des illégaux, etc. Je me rappelle plus exactement ce qu'il a dit, mais... Et dans un autre discours, il s'était référé pendant, je crois, des attentats qui avaient eu lieu en Europe, aux Européens, en disant « our people », c'est-à-dire notre peuple, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est clairement référé aux Européens comme étant, en fait, la souche fondatrice des États-Unis, ce qui est absolument... inédit dans la politique traditionnelle américaine, qui s'est toujours séparé bien clairement des intérêts européens et particulièrement des peuples européens sur le plan, j'ai envie de dire, charnel, quoi. Et donc, quand il fait ce genre de référence ou ce genre de clin d'œil, c'est quand même... ça parle beaucoup, voilà. Oui, et alors, peut-être encore, ouais, de façon encore plus précise... De façon encore plus précise, dans son discours célèbre sur l'immigration, il a fait plusieurs références à date de 1965. Il disait que depuis 1965, ces choses-là sont arrivées. Et on sait que 1965, c'est la date où la loi sur l'immigration permet... C'est le quoi, pardon? Le Hart Celler Act? Exactement, oui. C'est... cette loi qui a ouvert l'immigration au peuple du tiers-monde. Donc, en faisant cette référence-là, ses intentions sont devenues assez claires. Donc, évidemment, on ne sait pas s'il va... Pour ceux qui ne le savent pas parmi nos auditeurs, avant 1965, les États-Unis ne faisaient venir sur leur territoire que en grande partie, c'est-à-dire dans l'extrême majorité des Européens, et qu'il y avait parmi ces Européens des quotas. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, les Américains faisaient venir en priorité des Anglo-Saxons ou des gens venus du pays du Nord. Ensuite, on avait les pays de l'Ouest comme la France, l'Italie, l'Espagne, et ensuite on avait les pays de l'Est. Et après 1965, en fait, loi qui a été votée contre l'avis des populations européennes, c'est comme l'a dit Zeiger, c'est que c'était le début de l'immigration massive non blanche qui détruit actuellement les États-Unis. En sachant que s'y ajoute en plus l'immigration illégale qui vient du Mexique. Donc, c'est deux choses, c'est-à-dire que il y a l'immigration, on va dire, qui vient d'outre-mer, c'est-à-dire qui vient de l'Afrique, de l'Eurasie, etc. Et puis en plus, il y a l'immigration bien précise de l'Amérique du Sud et du Mexique. En fait, ce qu'il faut en retirer, en tout cas, c'est qu'avant 1965, en gros, l'immigration aux États-Unis était ouverte, uniquement, ou presque, aux Européens de l'Ouest, particulièrement les Anglo-Saxons, etc. Donc c'était de l'immigration européenne blanche, etc., etc. Et après 1965, il y a eu effectivement une ouverture à tous les métèques de je ne sais où, quoi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, il y a eu de grandes manifestations donc, de la population américaine, hein, qui était donc à 90% blanche. Contre ça, les hommes politiques ont dit « ne vous inquiétez pas, ça ne changera pas la composition ethnique du pays ». Ils ont bien sûr menti. Et en fait, ils ont quand même utilisé la garde nationale hein, pour réprimer les manifestations. D'ailleurs, les forces de police et les forces militaires à l'époque avaient reçu comme consigne, et on peut le voir en vidéo, il faut que je le retrouve, que si jamais ils sont attaqués, ils ont le droit d'ouvrir le feu à balles réelles sur la population. Donc vous avez une population qui est blanche, qui a construit, qui est descendante des gens qui ont construit le pays dans lequel ils habitent, et qui se voient en fait, enfin, à qui on renie le droit en fait de rester ainsi, et puis de pouvoir vivre dans leur pays comme ils l'entendent, et les gens qui sont issus de cette population-là, mais qui sont sous les ordres du gouvernement, sont autorisés par le dit gouvernement qui veut détruire cette population-là, à autoriser la force. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à comprendre, parce qu'on risque d'être confronté à ça. D'ailleurs, Manuel Valls nous l'a bien dit, hein. Les gens qui s'opposeront à la venue des migrants trouveront en face toute la puissance de l'État. Ouais, c'est vrai. La République va montrer ses muscles. Moi, pour en revenir à Trump, alors la France vraiment me dégoûte avec son anti-Trumpisme primaire là, parce que ce personnage m'est même plus que sympathique, quoi. Il me fascine, je l'admire vraiment. Je me sens porté par ce mec. Je l'ai vu là porter ses couilles dans un charity dinner là, face à Hillary, face à toutes les chaînes de télé. Apparemment, il y a tout le beau monde américain, toutes les élites américaines. C'est un peu un espèce de dîner du siècle, sauf que les bénéfices sont redistribués pour un truc de charité. Et je l'ai vu défoncer Hillary avec humour, avec classe et tout. C'est vraiment, ce mec est génial. Et ce que je peux dire, moi, c'est qu'en France, la gauchiasserie monte sur ses grands chevaux et elle déploie des moyens considérables pour former des jeunes à l'anti-Trumpisme. Ce qui est très bizarre parce que ce sont des jeunes qui ne vont pas voter, donc je ne peux pas me l'expliquer. Mais je le sais parce que j'ai eu, via Blablacar, j'ai pris une jeune fille qui étudiait, qui était en sciences molles, je ne sais pas ce qu'elle étudiait, les relations internationales, je ne sais pas quoi, et elle m'a attaqué sur Trump à peine rentré dans la voiture. Et on voyait que la fille était comme s'il y avait eu le projet Monarque qui s'était mis en place. Elle était sous contrôle mental. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans la voiture, elle m'a bombardé sur Trump en n'y connaissant rien. Et donc, moi, après, je l'ai questionné, je l'ai cuisiné un peu et j'ai obtenu les renseignements que je voulais. C'est-à-dire qu'il y avait eu des gens qui étaient venus les briefer pour les monter contre Trump, ce qui est vraiment très bizarre, j'arrive pas à m'expliquer. Alors qu'est-ce qu'on compte faire si Trump est élu? On va avoir tout un tas de couilles molles dans tous nos médias qui deviendront anti-américains, donc vers qui ils vont se tourner? Ils vont devenir pro-russes, pro-israéliens? C'est-à-dire que si Trump est élu, ce qui va se passer, c'est pas compliqué, c'est que l'Amérique va se transformer en pays officiellement méchant, quoi. Et c'est important que tu soulignes, on a interrompu un peu Zeiger qui était parti, mais sur ce dîner, là, le dîner de charité Al Smith, parce qu'effectivement, c'est là où Trump, je crois que Spencer, Richard Spencer l'a décrit comme ça, où Trump coupe son filet de sécurité, puisqu'il est quand même soutenu, ou en tout cas plus ou moins accepté par un certain nombre de gens de la haute société new-yorkaise, avec lesquelles notamment il a fait du business, etc., etc. Et là, en allant à ce dîner et en étant totalement agressif hein, avec Hillary Clinton et en continuant donc son attaque vis-à-vis d'elle dans un dîner qui est censé être voilà, convenu, voilà, qui est là pour faire des blagues, pour se réconcilier et montrer qu'au final, on est un peu tous amis, on est un peu tous d'accord. Lui, en continuant son attaque sur Hillary Clinton, se détache en fait de presque tous ses soutiens de la société, la haute société américaine, et montre, enfin pour ceux qui avaient des doutes, Il y a encore des gens qui disaient que c'était quelqu'un qui pouvait être contrôlé, qu'il pouvait y avoir des réseaux occultes qui soutenaient Trump pour au final le retourner contre, etc., etc. Et là, il montre qu'effectivement, il n'est pas là pour plaisanter, il n'est pas là pour rigoler, il est là pour gagner, il est là pour défoncer la vieille chouette de Hillary Clinton, la ridiculiser devant les autorités catholiques, etc. C'est un dîner qui est retransmis en public, etc. Donc, les gens voient ça. Et il fait la preuve qu'effectivement, c'est bien un outsider, définitivement, et qu'il n'est pas là pour en gros, faire des blagues convenues et se serrer la main à la fin, comme si, en fait, on s'entendait tous, etc., etc. Donc, c'était intéressant de relever, effectivement, l'événement du dîner de charité Al Smith, là. Mais je vous le dis, ça va peut-être heurter la sensibilité, excuse-moi Gandalf, j'en ai pour deux secondes, ça va peut-être heurter la sensibilité de certains chrétiens, mais moi, ça m'a tellement fait vibrer cette scène que ça m'a presque fait visualiser ce que pouvait être la scène du Christ chez les marchands du temple. C'était vraiment, il y avait vraiment un parallèle à faire, quoi. C'est le robuste, brave homme qui d'un seul coup balance tout le caca à la face des cyniques médiocres maîtres du monde, parce que être maître du monde, c'est pas un problème, c'était performant, c'était bon, mais là on a affaire à des cyniques et des médiocres qui valent pas tripette, et lui il balance toute sa classe et tout leur propre caca à leur gueule là, c'est en mettant juste un miroir, en fait il met juste un petit miroir et ça les détruit, quoi. Et il faut vraiment longtemps voir, c'était pas regardé. Pour ceux qui ont le courage de regarder ça et de faire leurs recherches un petit peu eux-mêmes, il faut vraiment voir les têtes, les réactions des officiels qui étaient présents là, voilà, des autorités catholiques et autres gens de la haute bourgeoisie new-yorkaise et du gouvernement américain. Il faut vraiment voir leurs tronches, quoi, quand ils réagissent, quand ils écoutent le discours de Trump. Et tu vois qu'il est en train de les froisser de façon très... ça les choque, quoi. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Le truc, déjà, il y a plusieurs choses. C'est d'abord, c'est Trump est New-Yorkais, et New York est un bastion démocrate, un bastion de gauche. New York. Et de juifs. Et oui. Il y a, je crois que c'est la plus grande ville juive du monde, d'ailleurs, me semble-t-il. 1 500 000 juifs. Ouais, il y en a beaucoup. Et c'est un gars qui est New-Yorkais, qui est respecté des habitants en général. Mais qui est pas sur le bon côté politique. Mais lui, donc déjà. Pour voir le climat, quoi, et pour voir où ça se passe. Et l'Église catholique est cul et chemise avec le Parti démocrate. Ça, il faut le savoir, les gens ne le savent pas forcément. Il faut sauver les nègres, quand même. Hein. Ouais, enfin, il y a tout un truc, depuis Kennedy, etc. Bon. Et surtout, il y a un truc qui est... Tu parlais justement du fait qu'il a pris tout le monde à rebrousse-poil, il n'a pas joué le jeu, on se renifle le cul, on est tous plus ou moins du même truc, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans le même sérail. Rassurez-vous, je vais pas aller trop loin et tout. Et ben, t'as bien expliqué ça. Il a envoyé exactement le message inverse. Mais il a fait un jeu de mots pendant son discours qu'il fallait avoir l'oreille, tu vois. Et Clinton l'a très bien compris. Il a dit, quand je serai élu à la Maison Blanche et tout, Hillary Clinton va venir me voir et comment dirais-je, elle me dira, pardon me, tu vois. Mais pardonne-moi, ça veut dire en fait, c'est à double sens. Ça veut dire gracie-moi. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une menace voilée de foutre Clinton en tôle. Et il l'a fait en public. C'était hallucinant. Et Clinton, elle rigolait jaune. Elle était obligée de rire parce que vous savez comment c'est les États-Unis. Les mecs sont tous des acteurs. Trump est un acteur aussi. Tu dois contrôler tout ton, tu sais, ton body language, etc. Donc, tu vois, quand le mec il fait une joke et tout, bon, t'es obligé de rigoler. Mais là, c'était bien écrit parce que c'était fait de telle manière que ça savait pas que c'était du lard ou du cochon. Surtout que Trump en plus le disait sur un ton badin. Il a pas dit avec force et vigueur. Il était là, elle viendra me voir, elle me dira, voilà. Et tu peux dire, y a pas de double sens ou il y a peut-être un double sens, quoi. Et en fait, ça a l'air de rien, mais Trump connaît toutes les affaires de Clinton, parce qu'ils la connaissent depuis des décennies, et tout ce beau monde connaît les affaires de Clinton, puisqu'ils font des affaires avec. Et quand ce type sort ça en public, le linge sale, et qu'il fait un jeu de mots comme ça, tous les autres savent à quoi s'en tenir. Et les mecs se disent, si ce type rentre à la Maison Blanche, il pourra, s'il veut, foutre Clinton en tôle. J'aimerais notamment attirer l'attention sur le fait qu'il y a encore peut-être une semaine ou deux. En fait, l'ambiance était, bon, ça a toujours été plutôt positif du côté pro-Trump, mais c'était quand même un petit peu morose parce qu'effectivement, voilà, il y avait les sondages qui sont bidonnés, mais les sondages qu'il est donné avec Hillary qui avait je ne sais pas combien de points d'avance, etc., etc. Enfin, et puis il n'y avait pas grand-chose qui se passait, à part des choses négatives sur Trump. Il y avait toutes ces femmes qui étaient sorties du bois tout à coup pour l'accuser d'attouchement, de harcèlement sexuel ou je ne sais quoi, qui de toute façon depuis, enfin on a montré, parce qu'on leur avait proposé de payer leurs frais légaux gratuitement, enfin des avocats, je crois que c'était une avocate juive de New York qui avait proposé de toutes les femmes qui venaient se présenter, accuser Trump d'attouchement sexuel, etc., on leur couvrirait leurs frais légaux, etc. Donc il y a tout un tas de gonzesses qui sont arrivées pour avoir leurs 15 minutes de gloire, etc. Bon, bref. Et le New York Times a fait cette offre-là aussi publiquement, que Times allait aider à payer les frais. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, le moral était plutôt un petit peu négatif. Et en fait, il y a maintenant à peu près une semaine, je ne sais pas exactement la chronologie, mais donc il y a cette affaire qui explose, c'est-à-dire que le Anthony Weiner, donc le mec, il s'appelle Weiner, W-E-I-N-E-R, et winner, il faut savoir qu'en anglais, ça peut aussi vouloir dire saucisse, n'est-ce pas? Et ce mec se fait attraper par le FBI dans le cadre d'une enquête sur des textos sexuels à des adolescentes de 15 ans, où il est là en train de monter, hein, un petit peu comme Soral et Binti, hein, de prendre des selfies avec sa teub à envoyer à des adolescentes. Et il se fait choper dans le cadre d'une enquête par le FBI. Donc c'est monsieur Anthony Saucisse, n'est-ce pas, qui montre sa saucisse. Ah oui, mais faut dire que c'est. Et on découvre. Faut dire que c'est découvre. Bah, vas-y, allez-y. Ah, mais je vais expliquer. Parce que ce mec-là, il se trouve qu'il est marié à Uma Abedin, qui est littéralement, enfin c'est une gonzesse, mais c'est le bras droit de Clinton dans la campagne du Parti démocrate. Donc le mari de son bras droit, Uma Abedin, se fait choper dans une affaire de textos sexuels envoyés à des mineurs. Et on découvre. Une affaire de mœurs, quoi. Une affaire de mœurs, et on découvre que sur son ordinateur portable, le FBI, dans le cadre de l'enquête, découvre un paquet d'une taille incroyable d'emails qui avaient été effacés dans le cadre de l'affaire Clinton, qui leur manquaient dans le cadre de leur enquête. Il s'en trouve des copies sur le portable de Anthony Saucisse, n'est-ce pas? Donc, en fait... Anthony Weiner, qui est un juif. Qui est un juif, avec une sale gueule de crochu. Ah oui, oui, vraiment... Ah, mais la totale, c'est-à-dire le nez, c'est juste... Je conseille à nos auditeurs de faire une recherche dans Google Images et de parcourir 3 ou 4 pages, donc en tapant Anthony Weiner, W-I-E-N-E-R, et c'est beau, hein. c'est très Et donc Hillary Clinton, rattrapée par les affaires de par bite, la bite de Weiner. Par la bite de Weiner, par la saucisse de saucisse, n'est-ce pas, par la saucisse de Weiner... Qui avait des copies des emails de Clinton, de tout un tas d'emails de Clinton sur son ordinateur portable dans un dossier. Alors c'est un fait divers qui a été rapporté par certains journalistes. Il paraîtrait que ces emails ont été retrouvés dans un dossier qui s'appelait Life Insurance, c'est-à-dire assurance vie en français. Donc le mec, en gros, il avait un dossier assurance vie, tu vois, sur son portable. Et dedans, il y avait tous les emails des transactions un peu sombres, voilà, des échanges un peu bizarres. Ah non, alors là, moi, je veux rebondir là-dessus. Vas-y, vas-y. Très brièvement, pour que les gens comprennent, parce que ça, je l'ai constaté dans les médias français, rien n'est expliqué au public. On dit, elle avait une messagerie privée, c'est une infraction à la législation en tant qu'ancienne secrétaire d'État. Alors, pour ceux qui ne savent pas, secrétaire d'État, c'est l'équivalent de ministre des Affaires étrangères, qu'elle a été de 2009 à 2013. Sous le premier mandat Obama, durant lequel elle a déclenché au moins, enfin soutenu des activités subversives en Égypte, en Syrie, en Libye, aux côtés de Sarkozy d'ailleurs. Et ils ont dit voilà, bon, elle n'a pas respecté les règles. Non, c'est pas ça. C'est qu'elle a elle avait une messagerie parallèle, privée, gérée sur des serveurs qui étaient localisés dans une villa qui lui appartenait sous la supervision de membres de la CIA, faut quand même aussi le dire. Et que cette messagerie servait en réalité à monnayer son influence, donc cas typique d'un trafic d'influence, en tant que numéro un de la diplomatie américaine auprès de tous les États étrangers de la planète, évidemment d'acteurs à l'intérieur des États-Unis, acteurs domestiques. Et on a su récemment, parce que WikiLeaks révèle sans cesse tous les jours les emails d'un de ses principaux collaborateurs qui s'appelle Podesta, je crois. Dans le même temps, il y a des mecs du FBI qui ont mis la main là-dessus, comme tu l'as dit, hein, grâce à la bite de Winner. Maintenant, il y a tous les emails d'Abedin, et les emails qui étaient en la possession d'Abedin qui sont maintenant en train d'être analysés. On en parle de 650 000, donc probablement des choses que le FBI ignorait jusqu'à présent. Et il y a toutes les transactions en question qui sont maintenant à la disposition du FBI. Donc, on ne parle pas seulement d'une infraction aux règles de fonctionnement des communications aux États-Unis pour un ministre. On parle littéralement de toute la machine à corrompre Clinton, et ceci à quelques jours de l'élection. Donc ça, c'est tout à fait crucial. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est que en plus, si jamais elle est élue, imaginons elle est élue, elle va se faire impeacher, elle va se faire virer dans les 2 ans pour la bonne et simple raison, c'est que toutes les affaires vont sortir maintenant. Ce qui n'était pas le cas. Il faut savoir un truc, hein, le FBI. Alors déjà, bon, la suite de ça, c'est que le FBI, via son directeur James Comey, je crois, a annoncé la réouverture de l'enquête qui avait été pour l'instant fermée, bloqué, qui ne pouvait pas faire une inculpation pour le moment, enfin, etc. Donc l'enquête a été réouverte à cause de ça. Il y a des rumeurs, je sais pas à quel point elles sont exactes, etc. C'est très difficile de savoir, mais comme quoi il y a une grande partie des agents du FBI, pas les responsables, pas les directeurs, etc., mais les agents. Donc les mecs qui y bossent, quoi, tout simplement, qui sont en gros en mutinerie, en open revolt, quoi. C'est-à-dire que les mecs avaient fait une enquête sur plusieurs années, ils s'étaient cassés le cul. Il y en a qui sont probablement idéologiquement du côté de Trump et qui en ont marre de voir la machine Clinton, mais il y en a aussi tout simplement qui sont déjà des agents qui veulent faire carrière et pour qui ça doit être l'affaire de leur vie, quoi, qui va leur permettre de percer, de devenir des stars. Et donc, il y a toute une partie du FBI qui veut vraiment voir aboutir cette enquête et aboutir à une condamnation, une inculpation de Clinton là-dessus. Donc, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et il y a aussi un aveu du FBI, alors je ne sais pas exactement qui a fait la déclaration, que le serveur email privé d'Hillary Clinton avec toutes ses affaires de corruption, etc., a été piraté par au moins, ils ont dit au moins, 5 agences de renseignement étrangères. C'est-à-dire qu'il y a au moins 5 pays étrangers, alors je ne sais pas si la Russie en fait partie, mais au moins 5, qui ont eu accès à toutes ces communications. C'est-à-dire que si elle accède, si effectivement elle finit d'une manière ou d'une autre par accéder à la présidence, il y a au moins 5 pays étrangers qui ont eu accès à tout ça et qui seront capables de faire chanter à peu près tout le monde pour des raisons diverses et variées. Donc c'est juste absolument... c'est n'importe quoi, quoi. C'est pas du tout sérieux. Et c'est là qu'on peut... qu'on peut constater qu'effectivement les élites baissent vraiment en niveau parce que ça a été fait, enfin on dirait vraiment pépé et mémé qui servent de leur ordinateur, qui savent pas comment ça marche, qui s'amusent à faire un serveur email à côté, qui se font pirater comme des bleus, et sauf qu'il y a juste les affaires de corruption du pays occidental le plus puissant qui sont disponibles aux yeux de tous, quoi, en gros, hein. Non mais d'ailleurs, en fait, tu fais bien de parler de PPMM parce que c'est vrai qu'elle fait très très mamie, hein, la Hillary Clinton. Et puis, si elle est élue présidente, je me demande ce que ça va donner pendant les 4 ans, quoi. Déjà que là, elle avait elle a des problèmes psychiatriques, hein. Ouais, non mais elle s'était pété la gueule lors de l'hommage en septembre, voilà, à New York. Là, tout le monde l'avait vu. Elle s'était fait remplacer par un sosie, c'était minable. Non, mais bon. Non, mais apparemment, elle aurait même des problèmes de psychose. Elle serait psychotique. Et moi, je connais bien la psychose. C'est vraiment quelque chose que je connais très bien. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est en crise de psychose à la tête du. Bah, elle est bien connue comme faisant des crises de nerfs fréquentes. Voilà. Ouais. Ah, ouais. Non, mais elle est semi-grabataire. Alors que Trump, il a le même âge, mais tu sens qu'il a de. Tu sais qu'il a la pêche, quoi. Bah, il a surtout du self-control, quoi. Enfin, Zeiger, tu voulais dire quelque chose? C'est-à-dire, c'est bien connu avec les gens qui travaillent pour elle qu'elle fait des crises de nerfs fréquentes. C'est-à-dire que quand quelque chose ne fait pas son affaire, elle va devenir enragée, elle va crier très fortement, elle va utiliser des mots vulgaires, c'est-à-dire que c'est une personne qui est très instable émotivement. Et ça, on va résumer en disant que c'est une femme. Voilà, le problème des femmes. C'est à peu près. Non, parce que ça, problème, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Non, parce que évidemment, toutes les femmes ont une propension à l'hystérie, mais elle, c'est-à-dire que c'est vraiment son comportement. Comment dire, il y a un ancien garde du corps qui travaille à la Maison Blanche du temps de la présidence de Bill Clinton, qui a écrit un livre dans lequel il explique, ça a été rapporté dans la presse, ce que c'était de travailler aux côtés d'Hillary Clinton. Et en résumé, cette femme est complètement tarée, elle est folle. Elle insulte tout le monde. Elle est folle. Elle non, mais t'as raison. Disons que l'analyse sexiste et l'analyse psychiatrique ne s'excluent pas mutuellement, quoi. Les deux sont vrais. C'est-à-dire que une femme qui accède à ce niveau d'autorité, elle est obligée de pallier son manque de phallus par une espèce d'hystérie. C'est un peu l'idée du petit chien qui ne fait que d'aboyer pour faire croire qu'il est gros, quoi. C'est quand on n'a pas dans le fond, on en met beaucoup sur la forme. Et une femme, forcément, elle n'a pas le phallus, donc elle est obligée d'en mettre beaucoup sur la forme. Et cette façon d'insulter comme ça tout le monde, c'est quelque chose qu'à mon avis ni Bachar el-Assad, ni Trump, ni aucun des grands chefs d'État ne pratique. J'imagine pas Poutine insulter ses secrétaires comme une vieille daube hystérique comme ça, quoi. Donc c'est quand même, il y a quand même un manque de phallus et un côté truc psychotique hystérique. Il y a les deux qui se combinent. Et je voulais quand même revenir deux secondes sur parce que bon, c'était sur ça que j'étais parti au départ, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques semaines, une ou deux semaines. Les perspectives du côté pro-Trump étaient un petit peu mornes, légèrement, mais bon, parce que ça a toujours été quand même, enfin les gens sont quand même très enthousiastes, mais c'était un peu morne, on sentait qu'il y avait un léger bas, peut-être relâchement, etc. Et là, depuis les révélations donc sur l'affaire Anthony Weiner, etc., les emails qui ont été récupérés par le FBI, la réouverture de l'enquête, il faut savoir qu'avant cette affaire-là, il était annoncé que Clinton avait, alors selon les sondages qui sont bidonnés, mais qui, si on interprète, enfin la façon dont il les pondère, etc., on peut quand même en tirer des conclusions. Avant cette affaire-là, Clinton avait, dans les sondages mainstream, je ne sais plus, entre 10 et 12 points d'avance. Et depuis cette affaire-là, c'est-à-dire maintenant, elle les a complètement perdus. C'est-à-dire qu'elle a perdu plus de 10 points depuis la sortie de cette affaire, la réouverture de l'enquête, etc. Donc cela juste avant, c'est-à-dire qu'on est à quelques jours là de l'élection. Donc c'est quand même un retournement énorme qui se produit juste avant la date de l'élection. Je ne sais pas si la campagne Clinton va arriver à sortir quelque chose, à faire du buzz contre Trump vraiment au dernier moment, s'ils ont quelque chose encore à balancer sur lui. Mais s'ils n'ont rien de très grave ou rien de substantiel... Si vraiment ils sont à court de balles, ils sont vraiment, vraiment dans la merde. Ils n'ont rien d'équivalent, puisque là, on parle d'un système, d'un clan, le clan Clinton, qui est établi depuis des décennies, alors que Trump n'est pas un politicien, n'a pas de réseau politique. D'ailleurs, c'est marrant, quand tu regardes le début de sa campagne, il a commencé vraiment sa campagne il y a un an, il a commencé avec une douzaine de collaborateurs. Enfin, c'est un truc qu'il a... C'est incroyable, quoi. C'est un Et mec, d'ailleurs, je crois qu'il a dépensé trois fois moins que Clinton hein, pour sa campagne. Ah oui, c'est sans commune mesure. Oui, non, c'est absolument c'est sans commune mesure. Alors, il faut savoir dire que c'est une success story sur l'américaine. Hein. Non, mais ce type est fascinant à ce titre-là. C'est-à-dire que c'est un mec, il entreprend un truc, il va au bout et le succès s'y trouve, quoi. Ouais, il est allé contre tous les pronostics. C'est-à-dire, il s'est présenté à l'investiture républicaine. Tout le monde le donnait perdant. Le nombre d'articles pourquoi Donald Trump n'a aucune chance, etc. Donc le mec a été déjà nominé. Là maintenant, pareil, les sondages, oui, il est 10 points derrière et compagnie. Là, une semaine de l'élection, on en arrive au fait, tiens, finalement, c'est au coude à coude. Et c'est pareil, hein, enfin, on a beaucoup parlé du point de vue américain. Là, au niveau des médias français, il y a encore 15 jours. Ça présentait la campagne comme quoi voilà, Donald Trump était carrément largué avec toutes les affaires des enregistrements audio qui étaient sortis, c'était mort. Là par contre, cette semaine, sur les chaînes d'info type BFM, ITL, le discours a changé, puis même la tête des journalistes aussi, quoi. on sent qu'il y a quelque chose qui voilà, ils sentent que ça se il faut, c'est pas il faut bon savoir pas aux bon. États-Unis. Il y a des journalistes mainstream qui il y a encore une semaine ou deux, n'était que rempli de compliments, d'encouragements, etc. pour la campagne Clinton. Et puis qui, depuis, ont fait des interventions quand même très critiques, qui prennent leur distance, etc., etc. Il y a des personnalités qui, traditionnellement, sont liées à la gauchiasse américaine, donc au Parti démocrate, Clinton, etc. Qui, par exemple, ne la suivent plus sur Twitter. Vous allez me dire, c'est des trucs à la con, mais en gros, on sent qu'il y a un détachement progressif, c'est-à-dire ça sent la merde. Les rats quittent le navire, quoi. Exactement, les rats quittent le navire, et on sent que ça pue pour Clinton. Et je vous rajoute un truc, c'est que les sondages mainstream qui donnent maintenant, parce qu'on en a parlé un petit peu dans l'émission, mais il faut quand même le dire, les sondages mainstream qui donnent Clinton et Trump à égalité sont des sondages extrêmement biaisés, qui sont pondérés de façon à donner plus d'importance, de poids, donc au Parti démocrate, qui se basent sur des modèles de prédiction, notamment entre autres de l'élection d'Obama, où les Noirs étaient très motivés, les Nègres, pardon, les sales Nègres étaient très motivés à sortir voter pour leurs frères de couleur, ce qui n'est plus le cas. Je veux dire, même si les Nègres aiment l'État-providence, l'argent qu'on leur file plus ou moins gratuitement, c'est beaucoup plus difficile de les motiver à sortir voter pour une vieille chouette blanche qui incarne la bourgeoisie vraiment occidentale avec tout ce qu'elle a de plus dégueulasse. C'est beaucoup plus difficile de les motiver que pour aller les faire voter pour le Kényan musulman Obama, quoi. Il faut dire qu'il y a une grande campagne dans les médias sociaux en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a une grande campagne dans les médias sociaux en ce moment pour démotiver les Noirs à voter encore plus. C'est-à-dire que certaines de ces choses-là sont basées sur des mensonges ou des blagues, sur des faits. Mais je crois que le vote noir va être très, très faible à cause de ça. Donc, une des campagnes de trolling, si on veut, c'est une collection d'images qui est répandue sur Twitter et sur d'autres médias sociaux qui disent que si vous voulez sauver du temps quand vous allez voter, envoyez un texto à tel numéro avec Hillary et ça va vous sauver du temps. Vous n'aurez pas besoin d'aller au centre de sondage. En fait, ça joue sur le fait que évidemment, les médias officiels. Ça joue sur le fait que le nègre est un gros feignant et voilà quoi. Oui. Il y a eu une grande réaction sur ça et Twitter est devenu fou à censurer ces choses-là. Mais ça, parce qu'eux, évidemment, les antiracistes savent bien que les Noirs sont stupides et fainéants, donc ça va avoir un gros effet sur eux. Mais c'est quelque chose qui est très répandu en ce moment. Mais il y a d'autres choses. Mais même sans je pense pas qu'ils aillent voter, quoi. C'est vrai que, comme a dit notre ami Frédéric dans l'évier, le noir se déplace pour le noir, quoi. Tu vois, il voit le truc, ça y ressemble. Tu vois, il est content, il saute. Tu vois, il fait un petit peu de bruit. Voilà. Par contre, la chouette dans son manteau, c'est pas. Voilà, c'est, dans son manteau, pas... dans son manteau, style Mao Tse-Tung, quoi. Il faut quand même souligner ça. Hein. Ouais, il faut le dire. Les noirs sont tribalistes, ils sont racistes comme pas deux, quoi. Non, mais en plus, avec Obama, il faut l'avouer, ils avaient un représentant de classe mondiale. Obama, il a plein de défauts, c'est un mongol sur le plan de la politique. Apparemment, il était sous antidépresseur, il jouait à la console à certains moments de son mandat. Quoi. Il était au fond du trou. Mais cela dit, quand tu le vois monter les marches, machin, t'as l'impression d'avoir Tiger Woods, t'as l'impression d'avoir un sportif de haut niveau. Il se porte bien, il se tient bien, il a une belle... Il a un beau body language, il a la classe, quoi. Pour un noir, les noirs devaient s'émoustiller pour lui. Alors, et puis alors, faut rappeler un truc aussi, c'est que, parce que là, il faut quand même un petit peu revenir sur les gauchistes US, qui valent, enfin, c'est pas qu'ils valent les gauchistes français, parce que c'est un petit peu différent, mais enfin, c'est de la merde en barre quand même. Mais la convention démocrate, donc la convention, en fait, c'est la primaire, c'est-à-dire quand on désigne le candidat, c'est comme les primaires en France, quoi, qu'ils ont copié d'ailleurs. Elle a été intégralement truquée et grâce à WikiLeaks, on a su que le trucage était prévu depuis 2014 en fait, au profit de Clinton et Bernie Sanders. Cette espèce, alors Bernie Sanders, il est de la tribu aussi, c'est un juif. Hein. Ah bah oui. Alors Bernie Sanders, il s'est fait voler son élection. En tout cas, on lui a sérieusement poser des obstacles sur son passage. c'est révélé, c'est su, etc. Donc c'est déjà la primaire du Parti démocrate est déjà une escroquerie en tant que telle. Ça se sait. Et le type ne s'est absolument pas désolidarisé. C'est-à-dire qu'il continue à appeler à voter Clinton. Donc c'est là qu'on voit l'imposture totale. Et je voulais revenir sur un personnage qui est un immonde sac à chiasse et qui s'appelle Michael Moore. Mais qui est un gros sac de merde comme peu en existe, aux États-Unis. Enfin, de son calibre, c'est quand même du massif. Le type, il y a quelques jours, il passe sur les plateaux de télé, le type explique sans broncher qu'il a du respect pour Hillary Clinton et qu'il va faire voter Clinton. Et le plus drôle, c'est que le père de George W. Bush, donc George Bush père, appelle aussi à voter Clinton. Et c'est là qu'on voit toute l'imposture, quoi. Mais vraiment, là, c'est magnifique, quoi. C'est-à-dire qu'on a Michael Moore qui nous a fait des documentaires sur l'administration Bush, les guerres Bush, etc. La violence, enfin tout le gros discours des gauchistes habituels. Le mec appelle finalement à voter Clinton alors que c'est une escroquerie complète. Ben ouais, bien sûr, il appelle à voter Clinton alors que Clinton a niqué Sanders que défendait Moore. Et George Bush père vote aussi Clinton. Enfin, c'est magnifique, quoi. Genre là, si les gens comprennent pas ce que c'est que cette escroquerie qu'on appelle la démocratie américaine, ben voilà, ils peuvent aller se coucher, hein. Et malgré ça, d'ailleurs, c'est une invitation pour tous les bobos occidentaux, là, toutes nos fiottes occidentales qui squattent nos capitales et qui squattent nos grands médias. C'est une invitation à réfléchir à ce que eux appellent les beaufs. Hein. Les beaufs américains leur ont montré sont en train de leur montrer là qu'ils ont encore des griffes, ils ont encore du ventre. Parce que finalement, ce que eux appellent les beaufs, c'est simplement des gens qui ont encore des tripes, des gens qui ont encore du cœur. Est-ce que ce sont des branlomanes, des espèces de d'êtres coupés? C'est-à-dire, ils ce sont plus que des cerveaux sur pattes, quoi. Ils sont plus bons qu'à détruire en réfléchissant. Leur pensée n'est plus que destructrice, quoi. Ils sont dans ce déconstructivisme depuis je sais combien de décennies. Et là, le beauf, lui, avec ses tripes, il a envie de vivre. Donc à la fin, tout déconstruire, tout démolir, il en a ras le cul, le beauf. Lui, il a envie de vivre, et malgré son manque de, peut-être de, comment dire, d'idéologie articulée, malgré son manque de rhétorique, peut-être, il a une conscience globale du truc bien plus aiguë que les petits bobos des villes. Et j'espère que ça va les rendre un petit peu plus humbles, parce que eux, ils deviennent vraiment insupportables. Nos bobos des villes, c'est... Alors, je voulais soumettre quelque chose à vos commentaires. C'est sur le programme de Trump. Parce qu'on a parlé de l'immigration, etc., mais il n'y a pas que ça. Et il a un programme qu'on peut qualifier un programme anticorruption. Qui ajoute encore à la panique, hein, de tout l'établissement de Washington, de Wall Street, du clan Clinton, des médias. Et il a fait 5 propositions dans ce qu'on peut appeler vraiment un programme de lutte anticorruption. Je vous donne les 5 points, c'est assez court, mais ça donne le ton. Premièrement, interdiction pour tout membre du gouvernement ayant quitté ses fonctions de faire du lobbying pendant 5 ans. Le lobbying, en fait, c'est de la corruption légalisée, en fait. C'est-à-dire que vous avez le droit d'utiliser vos connexions, votre expérience, de la monétiser au profit d'un acteur X ou Y. Et du coup, vous pouvez aussi utiliser les points faibles du système, de ce que vous en savez, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Même chose pour les membres du Congrès, donc c'est les représentants et les sénateurs, donc les députés et les sénateurs, quoi, en France, et leurs équipes. Élargissement de la définition de lobbying, donc ça va être plus large. Et comme l'a dit Trump, il dit il y a des failles sur la définition, on va étendre, on va élargir et on va préciser. Interdiction à vie, de tout lobbying au profit d'un État étranger. Donc maintenant, le lobbying sera limité uniquement à des acteurs domestiques. Et enfin, interdiction aux États étrangers de financer des campagnes électorales. Alors, faut savoir un truc, c'est qu'aux États-Unis, on peut financer... Je me demande bien de quoi il voulait bien parler, hein. Mais il y a plein d'argent. Ça n'a certainement rien à voir avec l'IPAC. Hein. Non, mais il y a... Ouais, mais non, plus... façon, et avec l'Arabie Saoudite. Hein. Non, c'est... Là, je ne suis pas d'accord. Trump a sollicité le soutien de l'AIPAC. Il a parlé à l'AIPAC, il se revendique d'être un ami de Netanyahou, etc. Et en fait, il finance pas tellement. ceux qui financent massivement les campagnes, c'est les pétromonarchies, parce que eux, ils ont du cash à gogo. Et Trump, en ayant désigné les musulmans comme un problème, et Clinton étant totalement lié au Qatar via la fondation Clinton, parce qu'on l'a su aussi avec Wikileaks, mais on le savait d'avant, c'est-à-dire qu'elle touche des valises du Qatar, de l'Arabie Saoudite, du Bahreïn et autres. Et le mec, il a bien compris un truc, c'est-à-dire que quand il veut mener sa politique d'immigration, etc., ou antiterroriste, en face, tous ces pétromonarchies qui financent l'État islamique, qui financent les djihadistes, Al-Qaïda et compagnie, et dont est proche Uma Abedin, la femme de Wiener, la bras droit de Clinton, cette femme-là, c'est la fille d'un frère musulman, hein, très important. Et elle a vécu en Arabie Saoudite. Donc c'est cette connexion-là que Trump vise. Parce que ces mecs-là, ils ont du pognon, je veux dire, c'est illimité les quantités qu'ils ont. Et ils ont probablement, on ne sait pas tout, mais ils ont probablement mis beaucoup d'argent dans les médias, aider Clinton dans sa campagne, etc. Et je pense que ça, ils veulent le stopper. Alors imaginez juste ce programme de anticorruption, ce que ça peut faire, et on comprend qu'ils paniquent totalement, quoi. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus, il a appelé ça, je crois, un problème éthique. Si Donald Trump passe et qu'il arrive à faire passer ça, ça aura des répercussions aussi pour nous, parce que en France, traditionnellement, les Saouds vont se tourner vers l'UMP, donc ils vont filer du pognon à l'UMP, les Républicains maintenant, et le Qatar va arroser les socialistes, quoi. Si Trump commence à faire des à renverser la table, hein, chez ces pays-là, ça peut être rigolo. Et puis ça peut avoir des répercussions aussi chez nous, avec des conséquences encore inconnues. Hein. Oui, ben ça crée des attentes chez le peuple, même dans les pays étrangers. Si il met ce programme-là en pratique, dans tous les autres pays, les citoyens qui font un peu attention aux affaires étrangères vont se dire ben pourquoi on fait pas pourquoi on n'utilise pas les mêmes mesures ici. Ça semble être une bonne idée. Surtout si ça a un effet positif, ça va mettre beaucoup de pression, je crois, sur les élites de devenir plus transparentes ou en tout cas ou être encore plus corrompues et ensuite essayer de se tirer avec tout leur pognon, je sais pas. Mais ça risque certainement d'avoir un effet, ça c'est sûr. Alors, il y a un autre élément de son programme aussi qui a de quoi donner des sueurs froides à quelques-uns, c'est sa politique étrangère annoncée. Hein. Il a fait aussi un discours de politique étrangère générale. Il a dit, voilà, une administration Trump aurait-elle diplomatie? Alors, il a dit, en gros, il y a plusieurs éléments, mais j'en relève deux. D'abord, c'est la fin de l'exportation de la démocratie, donc des plus de 25 ans, même 30 ans de guerre continue des États-Unis, et donc du Pentagone, des industries qui vont avec, de Bush, et aussi de Clinton, des néoconservateurs en général. Donc ça, il a dit, c'est fini. C'est fini, on ne va plus dépenser des milliards de dollars, même des milliards de milliards de dollars, dans des guerres, que ce soit en Afghanistan, en Irak, en perdant en plus nos soldats, ça c'est terminé. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup à perdre dans ce truc-là. Deuxième point, il a défini l'islam radical comme un ennemi prioritaire. Alors que on sait très bien que sous Bush et encore plus sous Obama avec Clinton, les islamistes et les djihadistes sont les alliés de la CIA, donc en Syrie notamment et en Libye, quoi. Là, c'est clair, il y a une alliance totale entre la CIA et l'islam radical, Al-Qaïda et autres, via l'Arabie Saoudite, et ça, Trump a dit, c'est fini. Donc il y a une cohérence dans son plan, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et on voit bien que il y a vraiment une approche globale du truc. Quelqu'un veut commenter là-dessus sur ce, voilà, on se désengage, on arrête les guerres comme ça, les guerres au Moyen-Orient et autres. Ben c'est sûr que ça fait partie des raisons pourquoi la communauté juive aux États-Unis sont fortement contre lui. Évidemment, une des raisons principales pour laquelle ces guerres-là sont conduites, c'est pour le bénéfice d'Israël, c'est-à-dire c'est pour déstabiliser le Moyen-Orient, pour leur faciliter la tâche dans leur colonialisme, si on veut, puis pour éliminer les menaces étrangères dans la région. Donc ça, c'est définitivement, ça va à l'encontre du programme qu'on appelle le néo-conservateur, c'est-à-dire les juifs qui se disent conservateurs pour influencer la politique étrangère. Et oui, ça fait partie des raisons pourquoi il est haï du côté conservateur, en plus d'être haï du côté libéral de la politique américaine. Ça a été bien articulé ça par Trump parce que il a expliqué, enfin la façon dont il a vendu ça, c'est de dire que notamment dans toutes ces guerres au Moyen-Orient, bon, on avait dépensé tant d'argent, il y avait tant de morts, etc. De tous les côtés, et que au final, qu'est-ce qu'on en avait retiré? Il avait dit, par exemple, je sais plus si c'était en Irak ou je sais pas quoi, on ne contrôle même pas le pétrole. C'est-à-dire que les Américains, tu peux arriver à leur vendre la guerre. Mais il faut quand même qu'ils en retirent quelque chose, parce que s'ils vont se casser la gueule, je ne sais pas, au Moyen-Orient, et qu'à la fin tu leur expliques qu'ils n'ont rien à gagner, et qu'en fait, que voilà, hein, ça part tout dans la poche de Clinton, et on refile les puits de pétrole à l'État islamique, ça passe quand même très mal. Et Trump a expliqué ça vraiment en businessman, tu vois, c'est-à-dire que, bon, les gars, c'est bien gentil, vos guerres au Moyen-Orient, mais on se fait même pas de thunes dessus, on récupère même pas les puits de pétrole, et puis au final on refile tout à l'État islamique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait, ça résonne quand même très bien enfin, chez les Américains moyens, quoi, parce que tu ne vas pas leur vendre de guerre si au final il y a rien à y gagner, tout simplement, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se battre contre le communisme, on est en train de se battre contre une menace terroriste un peu éthérée comme ça, voilà. On va claquer tout son pognon, s'endetter publiquement, faire mourir un nombre de soldats, etc., sans parler des pertes dans les pays étrangers. Tout ça pour finir dans le caniveau, à s'appauvrir, etc., dans une récession. Donc Trump, Oui, vas-y, une vas-y, dis-moi. promesse implicite du pétrole moins cher ou de c'est-à-dire parce qu'il y a la menace aux États-Unis qui a été promue du peak oil qu'on appelle la limite du pétrole. Et donc les gens ont une panique au niveau du pétrole et après moi ça a été utilisé beaucoup pour justifier implicitement ces guerres-là. C'est vrai, et Évidemment, logiquement, ça fait pas de sens. ça a été vendu par des pseudo, des prétendus écologistes. D'ailleurs, c'est une grande arnaque de laquelle, enfin, sur laquelle il faudra discuter un petit peu. C'est-à-dire, c'est ces gens qui sont des soi-disant décroissants, hein, donc il va y avoir le peak oil, donc il va falloir s'assurer, le pétrole, etc., qui sont des pseudo-décroissants, mais que ça n'a jamais l'air d'effleurer, que laisser des nègres et autres métèques se reproduire par milliards n'importe où, ça pourrait avoir un effet sur l'environnement, quoi. C'est-à-dire, il faut Ça faire produit du attention. CO2, hein, Il n'est-ce faut pas? faire attention à l'environnement, il faut payer une taxe carbone, mais si on multiplie les nègres, tu vois, de façon exponentielle par je ne sais pas combien de milliards, là par contre, c'est pas grave, ça c'est gentil, ça n'aura pas d'impact, voilà, hein. Gaffe aux nègres pétomades, c'est sûr. Parce qu'on le sait tous, les Africains, les Mexicains, enfin toutes les races Ah, ils ont le colorées. souci de la biodiversité. Ah bah ils sont très consciencieux de l'environnement, n'est-ce pas? C'est quand même, voilà, hein, il faut le savoir. Alors, comment dire, en forme de conclusion, je veux dire, dernier point, c'est en France, j'ai vu ça là. Alors bon, c'est anecdotique parce que, mais j'ai vu que Fillon, il commence à, enfin, c'est Fillon, c'est parmi d'autres parce que, je veux dire, moi, je m'en fous complètement des primaires en France. Pour moi, c'est sans intérêt. Je veux dire, ils peuvent élire qui ils veulent, ça change rien. Mais j'ai noté quand même la phrase, c'est-à-dire que le type a déclaré, oui, de toute façon, si c'est Hillary Clinton ou Donald Trump, il faudra qu'on se confronte aux États-Unis. Genre, là, je me suis dit, oula, le garçon, là, je sais pas, genre, le mec, il est en CFA2, quoi, il dit, ouais, moi, le PSG, je les prends quand je veux, et tout. Bon, je demande à voir, ça sera assez intéressant. Mais globalement, on parlait justement de ça, de ce truc de politique étrangère. Bah, imaginons que Trump, il gagne. Et que, bon, on sait très bien qu'il sera pas dans les meilleurs termes avec le Qatar et compagnie, puisqu'ils auront financé comme des cinglés, Clinton. Puis en plus, genre par rapport à l'islam radical et tout, bon là c'est clair, Trump il ment pas, on sait très bien sur quelle ligne il est, quoi. Il y a des gens qui vont avoir des gros problèmes, et ces gens ils sont à Paris, c'est-à-dire c'est tous les petits malins du PS, de l'UMP, qui sont financés par le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui ont filé des armes à ces pays, dont une partie probablement a dû atterrir entre les mains des djihadistes de l'État islamique, d'Al-Qaïda, des salafistes et autres, en Libye et ailleurs. Bref, c'est-à-dire les meilleurs supplétifs précisément des néoconservateurs américains, pour rappeler notamment que Sarkozy et Clinton ont collaboré en Libye pour détruire ce pays, quoi. en se tapant ensuite d'ailleurs les migrants, et ça c'est pour nous, c'est pour le bas peuple. Si Trump y gagne, et tout à l'heure tu l'as esquissé d'ailleurs Frédéric, c'est comment vont réagir les Français, enfin le système français, c'est-à-dire les médias, les hommes politiques et tout. Et effectivement, moi je pense que Trump est un président vraiment américain, je pense que c'est un président normal pour les États-Unis en fait. Et je pense que Obama, c'est une anomalie, et c'est pour ça qu'il s'entendait bien avec les Français. Et là, je pense que l'anti-américanisme, mais ça va vendre très fort en France, quoi. Je rappelle que les États-Unis sont quand même pour les gens prétendument de droite en France, hein, je dis bien prétendument, les États-Unis sont quand même l'ennemi éternel de la France. Et que c'est quand même leur prof d'histoire communiste qui leur ont expliqué ça. Donc attention, quoi. Il y a du. Bah oui, non, mais là, il faut faire la francophonie avec les nègres contre les États-Unis. Ouais, ah, bon, mais oui. Les Américains peuvent dormir tranquilles en ce moment. Mais je veux dire, là, on est sur un point clé, parce que c'est le rapport aux musulmans, le rapport. Parce qu'il y a le pognon et la corruption, les intérêts géopolitiques, etc., les magouilles qu'ils ont fait en France avec ces pays du Golfe et autres, quoi. Mais il y a aussi la démographie qui joue. C'est-à-dire que les Américains, eux, ils n'ont pas une grosse démographie musulmane sur leur territoire. Les Français, ils sont complètement perclus de musulmans. Alors, en plus du gauchisme, de ce tiers-mondisme de merde et d'anti-américanisme, je veux dire, passe-partout, là, je pense qu'il y a quelque chose qui va germer, quoi. Et avec Trump, on va avoir un mélange de communisme, de d'islamophilie délirante, et de haine du blanc qui va se déchaîner en France. Et ça va être je répète à mon avis, hein. Ça, c'est-à-dire que les Français ont vraiment un rapport à l'Amérique qui est complètement, excusez-moi de le dire, débile. C'est-à-dire qu'ils aiment les Américains pour toutes les mauvaises raisons et ils détestent les Américains pour toutes les mauvaises raisons aussi. C'est-à-dire exactement. Tout ce qui peut être défendable, qui contribue à ordonner, tu vois, à poser de l'ordre dans la société aux États-Unis, ils détestent ça. Et tout ce qui contribue au caca et au dysgénisme en général, parce que les Français adorent sauver des lépreux, des métèques, etc., ça, par contre, ils adorent. C'est-à-dire que vraiment, ils ont tout faux. Hein. Et c'est sûr que si Trump, qui effectivement serait un président réellement américain, qui correspond un petit peu au mythe américain, etc., qui défendrait les intérêts des États-Unis en mode « America first », etc., c'est sûr que j'ai un peu peur du cirque que ça deviendrait dans la scène politique française. Oui, j'imagine bien le mélange de l'ennemi éternel de la France. J'ai vu les réactions de François Hollande. Je l'ai vu en conférence de presse. C'est assez récent. Le mec prend la parole et tout. Le type dit en fait. En fait, il fait une blague et il explique que, de toute façon, peu importe la gagnante, tu vois, genre, pour nous, c'est Clinton qui va gagner, c'est sur le ton de l'humour, Clinton va gagner, c'est plié, tout machin. Et les types, c'est-à-dire que, parce qu'attention, tout ça, c'est analysé, hein, faut pas rêver, les Américains, c'est pas des quiches, hein. Les mecs, ils analysent, tout ça, ça s'est transmis à qui de droit, et les mecs vont se prendre une douche, mais avec des bacs de glace. C'est-à-dire que tous ces nains arrogants de Paris, ils vont vite être recadrés, hein. À mon avis, et c'est pour ça que le climat va vraiment puer, quoi. À mon avis, alors il y a des mecs qui peuvent dire, parce que je dis juste ça après, c'est que je te file la parole, il y a des mecs qui peuvent dire ouais mais on s'en fout, etc. Non, le truc, c'est moi ce que je vois, c'est la dynamique générale. Les types vont détester précisément pour ce que t'as dit, Frédéric, ils vont détester Trump, ils vont lui associer plein de trucs, ce qui va légitimer par contre-coup. Toute la merde en France. Donc les mecs vont prendre le parti des musulmans, etc. Enfin, par anti-américanisme. Mais en France, il y a des musulmans. Il n'y en a pas aux États-Unis, pratiquement pas. En France, il y en a. Il y en a des millions. Ça vient de plus en plus. Et là, je vois un truc, mais qui va gagner en rythme, en puissance, en dynamique, quoi. Et c'est c'est ça. C'est-à-dire, on a toutes les bonnes raisons de devenir musulmans. C'est de détester Trump, quoi. Et là, je me dis, attention, catastrophe, quoi. Non, mais c'est ça, moi, tout à l'heure, quand je parlais de nos bobos des villes, c'est exactement ces gros enculés qui vont mal réagir, dont parlait Frédéric dans l'évier. Ces mecs qui ont tout faux sans arrêt sur les États-Unis, qui chialent sur le port d'armes en se croyant malins, avec une arrogance pas possible, parce que quand ils parlent du port d'armes, vous savez, c'est en ricanant comme des petits malins qui auraient tout compris à la vie, alors que le bon beauf américain, lui, avec ses tripes, et son bon sens de base, il réfléchit tout simplement, il se dit, bah, dans un système où les armes sont illégales, il n'y a que les méchants qui ont des armes, dans un système où les armes sont légales, les gentils aussi ont des armes, le mec qui bosse aussi a une arme. C'est donc forcément, dans la balance, c'est positif. Et il va pas s'emmerder, il va pas chercher plus loin, il va à l'essentiel. Alors que nos bobos des villes, là, ils sont complètement déconnectés parce que tu peux pas réfléchir. Sans ressentir. C'est-à-dire que toute réflexion doit partir au départ d'une bonne vision du monde. Et cette bonne vision du monde doit s'appuyer sur un ressenti. C'est l'idée du cerveau limbique qui envoie des informations au néocortex, alors que le néocortex n'envoie pas d'informations au cerveau limbique. Donc il faut à la base avoir un cerveau limbique qui fonctionne bien. Et le beauf, lui, son cerveau limbique fonctionne parfaitement. Il sait croire, il sait croire. Aux choses réelles, aux choses qui vont le porter positivement. Est-ce que le bobo de merde qui ne fait que déconstruire, qui n'est que dans le nihilisme et dans le ricanement, lui, il va continuer à ricaner sur la chevelure de Trump, mais il va s'enfermer dans son Jusqu'à ce qu'il se fasse multiculturalisme de merde. canarder, jusqu'à ce qu'il se fasse dégommer à la Kalachnikov dans les logos de Charlie Hebdo. Voilà, exactement. Ou bien qu'il se fasse savater la gueule comme un pouilleux alors qu'il Je vient aider les veux. migrants à Stalingrad. À Stalingrad! Je veux quand même noter un truc, c'est que bon, comme on peut le constater dans les élections américaines, là, il faut quand même, hein, parce qu'il y a des gens qui ont très peur de la prise des braguettes, n'est-ce pas? Et il faut quand même faire attention, hein, si on peut en retirer une sagesse, un morceau de sagesse, c'est quand même de ne pas confier les clés de la boutique à des pervers sexuels comme Anthony Weiner, alias Anthony Saucisse. Ou Alain Bittman en France, quoi. Donc, effectivement, attention quand même, hein, les gars. Bon, voilà, c'est fini pour cette semaine. Mission spéciale, un peu. Bon, c'est les élections présidentielles. On verra la conclusion, hein, de quoi il retourne. Je pense que la semaine prochaine, on reviendra aussi sur évidemment cette élection parce qu'il va y avoir des. Bah, peu importe ce qui se passera, puisque comme je l'ai dit, moi je vois si Clinton était élu par malheur, beaucoup de problèmes judiciaires avec une destitution. À mon avis, donc il y aura beaucoup de choses à commenter. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine et bah, à bientôt pour le numéro 21 de cette saison numéro 1 de Démocratie participative. Hasta luego, amigos. Ouais, bon babysitting de nègre à tous. Shalom alaikum. Salut, salut. Le bagbateau vient juste d'accoster, encore une belle fournée, elle va bientôt s'installer, la diversité. Ils viennent reconstruire l'Occident, avec leurs femmes et leurs enfants, sans oublier de s'intégrer aux braves immigrés. Elle vient guérir toutes nos douleurs, il nous faut toutes ces couleurs, l'ami de la France métissée, la diversité.